Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Elle oublie, Laura. Elle revient, elle oublie que ça fait des. Ouais, elle part dans les hautes sphères du showbiz, elle revient chez les beaux. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Oh, très très bien. Ouais, oh, écoute, il a dit pas du tout. Ouais, bah non. J'ai fait non, voilà, j'ai fait non avec la tête. Oui, comme on peut, comme on peut. Il est un peu ronche. On avance, on avance. On avance, on serre les abdos, on fait ce qu'on peut. On avance et à la fin on meurt. Et voilà, à quoi bon? Nous sommes comme à l'accoutumée accompagnés de deux formidables invités. Notre première invitée est autrice et comédienne. On l'a vu entre autres dans Le Flambeau, Un stupéfiant Noël, Les Complices ou récemment L'Esprit Coubertin. Son spectacle, Ça passe, qu'elle a joué pendant 2 ans et qui a remporté le Molière du spectacle d'humour de l'année 2023, est enfin disponible sur Canal+ ou l'appel. Alors ça s'appelle plus MyCanal, c'est le bordel, mais c'est la plateforme de Canal. Oui, c'est Canal Plus maintenant. C'est Canal, je crois. C'est l'appli Canal Plus. Bon, ça y est, en tout cas. Okay. Et j'ai un court poème à proposer. Attention. Laura fait la pitre, mais Laura le fait bien. Quand l'heure est à faire rire, il y a Laura fait le pain. C'est Laura fait le pain. C'est exceptionnel. Bravo. J'ai eu très peur sur la première. Sur Laura fait la pitre. Tu dis où là? Ça part. Ouais. Ah, ça a changé le podcast. Ouais, bonne ambiance. Laura suce des bites. Oh là là là. Florent. Je suis là. Ah, excusez-moi, pardon. Notre second invité est auteur et comédien. On l'a aussi vu dans un stupéfiant Noël, pardon, et il a une place à part entière dans le spectacle de Laura qu'il a également coécrit. Si elle est Céline Dion, il est Garou. Si elle est Shirley, il est Dino. Si elle est Michel Larocque, il est Muriel Robin. Muriel Robin, attention, c'est Cédric Salin. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Cédric? Je vais très bien. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que j'envoie un 23h30. Oui. 23h30 derrière le genre. Je voulais juste être sûr. Tu sais que demain il y a le podcast. Ouais. On est bien d'accord que t'es au courant. Il m'a envoyé un audio qui dit pas trop, mais ok. Mais écoute, allons-y. Moi j'ai dit, en fait, quand je t'ai dit est-ce que je viens avec Cédric, et tu m'as dit ouais, pourquoi pas. Bah ouais, je me suis dit bon, c'est pas validé quoi. Ah si, bah non, carrément. Et je pensais que t'avais une idée ou un truc, tu vois, je voulais pas imposer. Et du coup, genre hier, en effet, je lui ai dit bah moi j'ai le podcast demain, et toi en même temps tu as écrit genre est-ce que tu veux venir au podcast. Parce qu'au moment où tu m'écris, est-ce que tu veux que je vienne au podcast, on a un rendez-vous à 14h30. Ah ouais. Et puis on ira faire ce qu'on a à faire quoi. Ah ouais, non, bah non. J'ai eu des infos contradictoires, mais je suis très heureux d'être là. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Dernière minute. Ça fait trop plaisir. T'as pas bu à la bouteille? Non, pourquoi? Parce que je viens de me servir un verre et je voulais pas boire ta salive. Non, je vois pas la bouteille moi. Tu sais, j'adore les canettes. C'est rare qu'il y ait des petites bouteilles. Ouais, c'est vrai. Je suis très canette. Je suis très canette et je vais dire 2-3 secrets sur moi pendant l'épisode. Parce que vous êtes prêts. Je vais me livrer dans cet épisode. Comme à l'accoutumée, nous allons faire le jeu du Floodcast selon une étude. Et oui, les enfants de 3 à 6 ans feraient moins confiance à leurs parents, que ce soit pour leur demander un truc ou pour confier des secrets, qu'en qui? À qui ils font plus confiance leur qu'à doudou. Leurs parents? Pas leurs doudous. Vous pouvez poser plein de questions. À leurs grands-parents. Pas leurs grands-parents. Personnalité publique? Pas personnalité publique. Et leur maître. Ce n'est pas leur maîtresse et leur Chat maître. Chat GPT. Alors, oh. C'est un peu la bonne réponse. C'est Google, Internet. C'est Internet. C'est les, en gros, c'est les. Le web. Les, de 3 à 6 ans. De 3 à 6 ans. Ouais, c'est ça. Ah c'est bah ouais, mais ils sont sur les écrans. Alors, c'est les robots. Apple. Les la robots. Réponse, les robots. Mais alors, c'est, oui, bon, c'est, ouais, c'est l'article. Qui a écrit cet article? Elon Musk, hélas. Non, c'est, effectivement, c'est les intelligences artificielles. En gros, c'est une étude qui a été faite. C'est pas un sondage. C'est un journal d'extrême droite qui. Non, c'est l'article de Jordan Bardella. Directement. De 3 à 6 ans. Bah, maintenant, les jeunes, ils sont à 6 ans sur les intelligences artificielles. artificiel. Alors, n'importe c'est quoi. C'est pas un sondage qui a été fait. Une invention, d'accord. Non. D'accord. Non, c'est une étude qui a été menée où ils ont fait des tests sur les enfants. C'est-à-dire que c'est pas ils ont demandé à des familles. Mais du coup, ils ont donné quoi aux enfants? Alors justement, je vais te raconter. Ouais. Les enfants auraient plus facilement confiance en des IA et des robots qu'en leurs propres parents. L'étude a été menée par des chercheurs suédois, allemands et australiens. Alors moi, dès qu'il y a de la Suède à l'intérieur, j'y crois à fond. Là. Ouais. C'est ça, de toute façon, comment en douter? Sur 111 enfants demandés, elle avait pour but d'identifier comment les plus petits perçoivent les informations provenant de différentes sources, comme leurs parents, d'autres adultes, Internet ou encore un robot, tout simplement. Et l'étude voulait notamment comprendre comment les enfants choisissaient une source sûre d'information quand ils étaient confrontés à des témoignages contradictoires. Et alors? Voilà, et bah, c'est ce que je te dis. Quand les humains et les robots... Ils ont pas tort. Les humains et les robots avaient un niveau de fiabilité équivalent, les enfants se montraient plus enclins à demander leur avis aux robots et à accepter leurs étiquettes comme exactes, enfin, ce que disait le robot en gros. Oui, mais... Ils avaient également plus tendance à sélectionner les robots pour partager un secret, choisir un nouvel ami ou encore un nouvel enseignant. Oui, mais en même temps, il y a aussi un truc de curiosité, de genre, évidemment, on te met un humain et un robot, moi aussi, par curiosité, je vais parler au robot, quoi, parce qu'il y a un côté ludique, marrant, nouveau, quoi. Même confier le secret, c'est là où moi je trouve ça différent. Tu trouves pas que t'as ton daron ou un robot Mais le robot il va fermer sa gueule, logiquement. Oui, c'est vrai. Ceci dit. J'attendais une blague d'Adrien. j'ai pas voulu. J'attendais. Le robot préféré, ce sont mes petits favoris. Non, mais le robot est alimenté. Déjà un point positif pour lui. Il a ses batteries. Le robot, je pense qu'il y a aussi un truc de les parents. Enfin, moi, je sais pas vous, quand vous étiez enfant, moi, j'ai déjà été témoin de trahison de mes parents, quoi. Enfin, le simple fait, le Père Noël, les choses comme ça, c'est des trucs où tu sais. Le vote RN. Ouais, non, ça, je savais. J'étais au courant, ça, j'étais au courant. Mais non, c'est des trucs que tu apprends. Donc, je me dis peut-être que c'est ça aussi qui. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans un cas de figure où, tu vois, tous les petits enfants, ils parlent à leur doudou, quoi. Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Est-ce que c'est plus facile. C'est pas devenu l'intelligence artificielle? Non mais c'est ça. Non mais c'est un peu pardon, ça. Hein, pardon de déranger. Hein. Pardon, je vois des coups de pied dans la mare. Hein. Coups de pied dans la mare. Je crois que ça va. La mare s'en mettra. C'est Jésus quoi. Jésus qui met des coups de pied dans la mare. Et vous faisiez confiance à vos parents, toi Laura, quand tu pouvais confier des secrets à tes parents, des choses comme ça? Mais je crois que oui, en fait. En fait, je réfléchissais quand tu disais ça à trouver un moment où ils m'ont trahi. Comme ça. Dans la villa des secrets. Non, je pense qu'il y a eu des situations où en effet ils étaient. Tu sais, le truc que t'apprends en grandissant, c'est le côté pas très clair. Moi, il y avait un truc qui était incroyable et que font encore d'ailleurs ma belle-mère et mon père, c'est que quand ils ne veulent pas répondre, ils ne répondent pas. Et ça, quand t'es enfant, c'est très étrange. C'est-à-dire? Donc, par exemple, tu vas me dire. Mais à quelle heure il faut qu'on dépense combien pour aller à la piscine? Il y a une moue quand même, il y a une petite moue. Non, y a rien. Et c'est surtout un truc, un spécial de ma belle-mère, et c'était hilarant avec ma sœur. On se le fait aujourd'hui d'ailleurs, peut-être qu'elle va m'entendre, et c'est vraiment trop drôle quand elle faisait ça. Donc c'est tout simplement un choix de ne pas répondre parfois. Mais c'était je pense que c'était ça que je voulais dire. On découvre un peu que nos parents sont pas aussi clairs que ce qu'on imagine. Ouais, oui, c'est ça. Des adultes. Ma mère était un peu foutraque, hein, mais pas de trahison, et donc je leur faisais quand même assez confiance, et je crois que j'ai jamais trop eu de mal à leur dire mes secrets, d'ailleurs aujourd'hui encore. Ah, et oui. D'ailleurs souvent ils ne veulent pas m'entendre. c'est encore, plutôt ça le problème. Oui, ça quand je leur dis par exemple je sais pas, tu vois, un truc de ma vie sentimentale que j'ai envie de leur dire, de leur partager, et je suis pas la zinzin qui va dire putain maman j'ai envie de baiser. oui bah écoute, il y a Navarro là, donc on va. Mais c'est plutôt des trucs de peine ou de tristesse, et comme c'est des gens qui embrassent leurs émotions un peu différemment, en tout cas que moi, c'est plus être tu sais pas, et ben va falloir déménager. Pas du tout ce que je suis en train de te dire. Et donc j'ai mal au cœur. Ouais, mais c'est joli. Moi c'est marrant, mes parents m'ont jamais vraiment. C'est joli. Ouais. Non, mais de déjà pouvoir parler à tes parents. Apparemment tu peux leur parler, mais ils répondent pas quoi. Donc, c'est un bon début déjà. Mes parents m'ont jamais trahi ou rien, mais je me verrais pas du tout leur parler de mes problèmes sentimentaux. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est pas dans notre ADN. Non, mais je comprends quoi. Mais je crois pas que ce soit dans un ADN trop. J'ai levé les épaules un peu haut. J'ai levé les épaules au niveau des oreilles. Qui dit j'ai un petit problème d'émotion. Non, parce qu'avec les potes, avec ma meuf, avec plein de gens, ça va. J'ai l'impression que je peux parler assez librement. Mais si t'as un problème avec ta meuf, tu peux en parler à tes potes? Ouais, je crois. Ouais. Mais moi, je suis un peu. Pas de problème parce que c'est meuf. Pas comme ça que t'as construit la relation avec tes parents. Avec tes parents, en fait, vous l'avez construit dans la pudeur. Bah, je crois qu'il y a de ça. Ouais. Bah, il y a un film d'une heure 40 qui est pur cinéma qui parlait beaucoup de ça, justement. Qui arrive en boulot bientôt. Ouais. a fait pas mal d'entrées. Ah, bien vu, bien vu. Avant merci. Le mastodon. Ouais, qui bon, a, tu es hélas ridiculisé, mais non. Bon, voilà. Toi, Cédric, avec tes parents, t'as. Avec le docteur, fait, docteur Salin. Ouais. Oh oui, oh, docteur oui, Salin. Bah, écoutez, pas très enclin à partager des secrets avec le docteur Salin puis avec sa femme. Secret professionnel. Oui, tout à fait. Non, il y avait déjà ça. Non, mais en fait, parce que je vous écoutais, je réfléchissais, mais moi, je crois que j'avais pas de. Enfin, je sais pas de quel âge vous parlez, quelle période, mais je crois que j'avais pas de secret particulièrement à leur confesser. Par contre. Je pense que je suis comme toi, c'est que je pense que je suis. On a tellement été élevé dans la pudeur que même aujourd'hui, c'est encore un peu genre. Ouais, non, ça va, pas trop de. Non, ça va, tout va. Et puis il fait l'accent breton immédiatement. Oh, bon, tout bon. Oui, oui, c'est vrai qu'on a un accent très particulier chez nous. Mais non, du coup, non, je crois pas qu'on a de petits secrets à partager, quoi. C'est un truc un peu. Bref. C'est incroyable. Quand tu vois Cédric et ses frères, c'est incroyable parce que Cédric, il a vraiment quatre frères d'une version différente de ce qu'aurait pu être Cédric. Ok. Tu vois, version handball, version rugbyman, version genre. Je sais pas, il y a plein de versions. Et vraiment, c'est comme des ils se frôlent, tu sais, c'est comme okay. Si on était la même personne dans ouais, un multivers. Ouais, je sais pas comment dire. Oui, d'accord. Il y a pas vraiment un truc de je plante mes yeux dans les tiens et je te réponds directement, c'est un peu ouais. Des anguilles, je vois des anguilles. Oui, ouais, tout ça. À fait, exactement. Ce qui fait que du coup ça aide pas, alors peut-être pour répondre à votre question monsieur oui, Bernard, non, mais ça aide pas forcément à la confession à communication Mais nous sommes là, nous sommes présents et nous discutons. Oui, oui, quand même. Très très favorable. Mais après c'est ce que je disais, j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de barrières dans votre manière de communiquer. Alors aujourd'hui, il paraît qu'on a une certaine forme, qu'on adopte un certain langage codé. Je ne comprends pas, je ne vois pas. Il y a une fracture, il y a clairement une fracture en tout cas. Oui. Il y a fracture. Une fracture. On passe à la suite. Non, moi je sais pas. L'accent en breton, ça me fait penser à un truc. Est-ce que toi tu retrouves ton accent quand tu retrouves ta famille? Immédiatement. Mais Laura aussi. Hein. Ah oui, toi immédiatement. Aussi. Oui. Moi je l'ai très très vite. Aussi, parce que Cédric a l'accent alsacien depuis peu. Donc et moi j'ai son accent, je sais pas pourquoi. Ouais. Parfois je chope pourquoi des trucs. Ça, ah ouais. Mais et moi je comprends ça. J'adore quand elle passe des coups de téléphone à ses grands-parents devant moi. Parce que rien qu'au téléphone, c'est. Ouais. Je peux le faire mieux que moi, mais il y a un truc vraiment de. Oui, papy, oui, bah ça va. Hein. Enfin bref. Mais je le fais pas bien, mais c'est assez impressionnant. C'est presque un élément de compréhension pour mon grand-père. Donc ça fait presque partie de ça. J'abuse pas autant quand c'est mes parents, quoi. Mais t'as quand même un petit fond qui remonte. Oui. Oui, oui, voilà, il y a le week-end. Il y a le week-end, il y a comme dirait ma coloc et ma meilleure amie, il y a jouir. Ah oui, jouir. Jouir. Ouais, tout à fait. Alors, on le dit pas souvent. Non, bah ouais, non, on reste des femmes, mais bien sûr. Wi-Fi, oui, la fine. Twitter. Ouais. La fine, ouais. Ah, Twitter. Mais ça, je le dis moins maintenant. J'arrondis quand même. Ah, tu dis X déjà, maintenant. Ouais, en plus, je dis X maintenant, donc non, tout va bien. Ouais, non, c'est ma meuf qui m'a mis mon nez dans mon caca là-dessus. C'est-à-dire que quand je vais en Bourgogne, j'ai vraiment l'accent qui remonte. Qui a un accent qui est presque suisse, l'accent bourguignon. Il y a un truc un peu de. Bah, rah, quand on me demande de le faire, je le fais très mal. Ouais. Mais c'est un truc genre. Bon, j'étais avec l'autre, et puis tu sais qui m'a dit que. Ah, bah oui, oui, oui. C'est presque l'accent franc-comtois un peu. Ah, bah, complètement, c'est franc-comtois. C'est un peu franc-comtois, quoi. Bah oui, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'il rushait toute la journée, donc on avait les bottes qui étaient noyées, et puis on était dans la merde, quoi. Et vraiment, ça remonte à ce niveau-là. Mais tu te rends pas compte quand il y a non, pas du tout. C'est ça qui est fou. Tous les accents sont les mêmes, en fait. Oui, oui, non, mais bien sûr. C'est belge, c'est fou, tout. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Elle est là, l'Union. Elle est là, l'Union. Il est là, le Front Populaire. Le Front Populaire. On a perdu. L'actualité est un peu dure. On s'attrape à ce qu'on peut. On s'attrape à ce qu'on peut. Une IA. On y est encore, Adrien. Ah. Les petites IA là. Je suis dans mon domaine. Va permettre un truc que moi perso je trouve assez sympa. Un petit indice que je vous donne comme ça pour la réponse. Qu'on pourra tous faire et qui est un rêve que partagent pas mal de gens, j'ai l'impression, à votre avis. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? L'amour. Alors, pas l'amour, cela dit. Rencontrer l'âme sœur, peut-être, un truc. Rencontrer l'âme sœur. C'est un rêve, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut pas faire maintenant. Qu'on ne peut pas faire. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc qu'on peut faire et que ça va faciliter. Par c'est genre, nouveau truc. L'humain n'a pas les capacités de faire. Quoi, non, non, alors c'est pas. Attends, putain, quel dommage. C'est une très bonne phrase. C'est une phrase qu'a dit une autrice, je crois, mais j'ai oublié son nom, malheureusement. Elle disait, c'est quand même relou que les IA, elles arrivent, ça va remplacer les trucs cool à faire de la vie, à savoir inventer des choses, mais pas changer tes draps, justement. En gros, elle a dit, j'aimerais bien que les IA, elles fassent la vaisselle et elles changent mes draps pendant que moi, je peux faire de l'art et pas les IA, elles font de l'art pendant que moi, je fais la vaisselle. C'est ça. Ce qui est, pardon, mais vraiment un tweet d'il y a 3 ans. Vraiment, elle a juste plagié, pardon. Oh là là. Non, mais j'ai vu ce truc ressortir, j'ai fait, oui, bah, y avait, c'est quelqu'un qui avait fait ce tweet. C'est quelqu'un qui a 3 ans, mettre un coup de pied dans la main. Mais c'est une femme qui l'a dit, alors c'est super. Adrien Ronchon. Donc bien ce petit jingle. C'est, je vais peut-être me l'isoler. Si tu me permets de le mettre sur Twitch. Avec grand plaisir. Adrien Ronchon. C'est parti. Donc oui, c'est un truc impossible. un truc impossible. On est pas assez intelligent pour le faire ou on n'a pas. Non, c'est pas possible. La vie ne permet pas de faire cette chose-là. Donc voilà. C'est avec la distance là-dedans. Est-ce qu'il y a une distance géographique? Alors c'est pas sous l'eau. Il y a une sorte de distance, mais pas géographique. C'est pas respirer sous l'eau, c'est respirer dans l'espace. Avec les morts. C'est pas respirer. Avec les morts. Oh. Pas d'une. Alors, tu t'approches, mais c'est pas parler avec les morts. Non, mais on est parler avec un bébé qui va naître. Pas non plus, mais voilà, vous vous rapprochez d'un truc un peu les comme ça. Les extraterrestres. Non, là tu t'éloignes. C'est là. Lire les pensées. Non, des gens. Non, t'arrives plus à finir tes phrases. Pardon. Non, tu vois, c'est un truc de, un peu justement philosophique, un peu. On va pouvoir parler avec genre Einstein. Alors non, c'est parler pas avec quelqu'un. Soi-même, une autre version de soi-même. Ah, t'y es presque. Parler avec quelqu'un qui est plus, enfin, soi-même vieux. Alors, oula, c'est soi-même bébé. Mort. Non, soit bébé. Il n'y a pas grand-chose à dire. c'est la bonne réponse, on rappelle pas. Soi-même vieux. On va pas discuter avec son futur soi. Ouais. Putain. Et comment on va faire ça? Oui, ah bah donc, alors... oui. Ouais, mais voilà, bien sûr. Donc ça va être possible. Oui. Oui, voilà. Comment savoir? On va lancer. Regardez, c'est possible maintenant. Le slogan de Laura, là, qui va partir dans pas longtemps. Adrien Rochon. Des chercheurs américains et thaïlandais. C'est plus Adrien Debunk, si je peux me permettre. Oui, c'est l'étrange projet sur lequel une équipe de chercheurs issus du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, hein, je vous le dis, aux États-Unis et institut en Thaïlande, le groupe a conçu un chatbot doté d'une intelligence artificielle qui permet à l'utilisateur de converser avec cette version de lui-même, issue de son propre destin potentiel. Alors évidemment, tout ça. Oui, bon, c'est n'importe quoi donc. Oui, parce que si c'est potentiel, qu'est-ce qui peut se passer? Non, mais limite, voilà. Faites ça, faites-le avec déjà le mois du passé, comme ça on peut déjà savoir si c'est vrai ou pas. Et puis après, faites le futur. Parce que effectivement, une IA ne prédit pas l'avenir. Excuse-moi de ne pas avoir. On est sur l'équivalent d'une voyante qui dit ça va se passer. Mais tu croirais plus, une voyante ou ChatGPT? Là, ni l'un ni l'autre pour le coup. C'est impossible de. Cela favorise la projection de son propre avenir. L'IA conçue par l'équipe permet justement d'imiter ce phénomène. Pour y parvenir, un premier chatbot a posé une série de questions en personnel sur leur entourage et leurs antécédents. Voilà, Donc le passé. Donc. J'ai hyper envie de le faire. Ensuite, c'est un peu ça aussi, moi. Ensuite, elle les a interrogés sur leurs espoirs, leurs projets pour l'avenir et l'idéal qu'ils imaginent pour eux. Pour illustrer l'avatar de l'agent conversationnel, pardon, une photo du participant a été vieillie artificiellement par une autre. Et puis l'enfer, parce qu'en fait, si ta vie est plus nulle que ce qu'on t'annonce. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai pas trop envie. Si elle va pas là où tu veux aller. Ouais. T'imagines? C'est ça. Mais moi, ça va, dans mon cas, l'ascension est fulgurante. J'avais même pas espoir de devenir ça, mais. La petite princesse de l'humour, c'est comme ça qu'on t'appelle. La faudelle de la blague. Celle qui dérange le paf. Les marres ne s'en remettent pas, il y a des coups de pied tout le temps dedans. Et donc, bref, les résultats des informations obtenues ont ensuite été transmises à une autre IA, parce qu'il y a plusieurs IA quand même. On se donne la main. Voilà, comme quoi c'est possible de s'unir. Qui a pour but de générer. Mais IA le font, putain. Qui ont pour but de générer des souvenirs et des expériences collectées, donc le passé. Ils ont été mélangés à certains événements et propres expériences du participant. Enfin, un dernier chatbot a traité les résultats des deux autres modules pour interagir avec le participant et donner des réponses reposant sur ses souvenirs et l'expérience. Et voilà, et c'est en mélangeant tout ça. Purement le passé. Uniquement le passé. Peut-être un peu là que ça peut prédire la date de notre mort. Tu peux le faire actuellement avec des études de cellules, c'est terrible. Ah ouais? Aujourd'hui, tu peux, avec certaines expériences, enfin, en tout cas, si tu fais des analyses très poussées, comprendre en fonction de où en est tout ton corps, mais bon, faut être un foulec un peu. Ouais. De dire, par exemple, ton intestin, s'il va à ce rythme-là, dans 25 ans, il est possible qu'il y ait un moment qui nécrose. Donc, t'as plus de chances de mourir d'un cancer du côlon, d'un cancer de truc. Ce qui parfois permet du coup d'anticiper en te disant, faut que je fasse attention. Oui. Par exemple, à arrêter de boire, et je lance encore une fois. Oui, c'est-à-dire que tu remets le positif au cœur de la conversation. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Tu vois, je vois où tu veux en venir. Ouais, je vois, Laura. C'est possible, mais bon, moi je pense qu'il faut laisser faire la vie, quoi. Oh, ouais. Bien vu ça. Faut laisser le temps au temps. Oh, ouais. Didier Barbelivien, Félix Gray. Est-ce que votre vous enfant, il espérait ou il voyait un avenir comme ça? Est-ce que vous vouliez faire de la scène nous-mêmes? Ouais, quand vous étiez enfant, est-ce que vous vous imaginiez faire ça dans votre vie, de l'humour, de la scène? Il y a un peu plus de joie de vivre, je pense, quand même. Dans ma vie, je pense. Vraiment, mais vraiment? Un poil plus. Et en même temps, non, en vrai. En moi, vrai, c'est ça hein. Pour la blague, mais. Moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais joyeux. Non, en vrai, ça va. Oui, en plus, par rapport à mon enfance, franchement, c'est. Y a plein de gens qui disent oh là là, quel rêve de redevenir gamin et tout. Moi, pas du tout. Vraiment, c'était. Ouais. Vraiment vive la retraite. Mieux là. Ouais. Mais non, moi, pareil. Moi, je pense. Enfin, c'est mieux que ce que j'espérais, moi, par exemple. Toi, Laura? Oui, moi, je. Quand tu étais enfant, je suis avec la Laura de 12 ans. Comment rêvais-tu? Tu te disais, tu te voyais où? Bah j'étais, je, en tout cas, j'étais déjà pas mal délire. Hein, ça, c'est... Ouais, bien sûr. Non, mais j'étais. Il y a un petit goût pour la scène déjà quand même. Comme une personne de 60 ans. Non, non, je pense que j'aimais bien. Moi, j'ai beaucoup souffert de l'âge adulte. J'en souffre encore un peu, quoi. Ok. Parce que je trouve qu'il y a une sorte d'innocence, en tout cas pour moi, que j'avais à ce moment-là, qui était surtout de. Mais j'étais déjà une enfant qui était beaucoup pas dans le moment. Moi, je me rappelle mon père me dire beaucoup. Ah, mais c'est pas encore. C'est mais reste ouais, maintenant, ouais, reste ouais. là. Ouais. J'ai encore beaucoup de mal à faire ça. Et c'est un vrai combat que j'ai depuis enfant, donc je sais pas où je vais là, franchement. Non, mais si, mais c'est intéressant. Et tu fais des petits bambous un peu ouais. Tu fais des petits bambous ouais, bah ouais, ouais, dans l'instant des présent. C'est quoi faire des petits bambous C'est méditation, c'est une appli pour. Ah oui, l'application dépressif, ouais, comme nous. Et ça nous aide pas mal, ça nous permet de rester sur le fil entre la vie et autre chose. Ça avec les barres, ça me permet de maintenir à flot là. Voilà, les horaires fixes, c'est tout ce qu'on a. Juste le nez qui sort de l'eau là. Juste le nez qui sort de l'eau là. Et se laver les mains régulièrement. Ça roule, ça roule. Et professionnellement, la scène, tout ça, c'est des choses qui te faisaient envie. C'est très étrange. Parce que t'es arrivé par la musique, toi. Oui, mais moi, je me disais vraiment que j'allais faire un truc. En fait, c'est vrai que t'as fait de la zik, putain. Ouais, je fais de la zik, quoi. Eh, tu ressembles à Leslie ou quoi? C'est vrai que non, je pense que je savais que. En tout cas, je ne me sentais pas dans l'impossibilité de faire des trucs dans le divertissement. Okay. Parce que ma famille était plutôt ouverte à ça et qu'on m'a plutôt soutenue dans ce sens-là. Donc, ça, rien ne m'est jamais paru impossible dans le métier de comédienne, par exemple. C'est ça. Mais je me disais pas du tout, je vais être comédienne. Je me disais un peu, je vais être Céline Dion. Ce qui est pas d'ailleurs. Ce qui est un peu décevant. Hein, on n'en est pas loin, c'est en cours, mais en tout cas, c'est pas ça quoi. Donc, plutôt déçu du coup de la tournure qu'a pris ta vie. Bah, ouais. Finalement, si on fait le bilan, ouais, je trouve que c'est bien de la merde. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Et toi, Cédric? Eh ben, je me serais jamais rêvé là où je suis aujourd'hui. Bien sûr. Par contre, ce qui est drôle, c'est que je pense que je ne rêvais pas tout court. Je pense que j'aurais voulu. Non, mais... Ouais. Non mais attends. Ça, on est ensemble là-dessus. On est, c'est vrai, toi aussi. Ouais. Bah, en fait, moi, je me rends compte que j'avais pas forcément d'aspiration pour le futur. Alors, j'aurais adoré faire ça. Je me dis, ah ouais, ça serait trop cool. Mais c'était impossible de concrétiser une pensée genre à 25 ans, je ferais ça et parce que j'ai trop envie, je vais me donner les moyens. Ouais, pareil. Donc, en fait, je me laisse porter. Je me suis laissé porter et en fait. Trop bien, ça peut marcher aussi. Ah ouais, moi c'est l'exact inverse. Moi je me suis fait deadlines de la vie. Ah ouais, c'est quoi ouais, les prochaines deadlines? Ah ouais, mais t'es de droite en fait. Et là, confie-toi vraiment. Moi je les dis pas, je veux pas les dire. Ah non, c'est insupportable de faire ça. Bah alors, mais des deadlines de la vie privée aussi. Genre, non, pas tel enfant, telle relation. Alors, ouais, l'enfant, je pense quand même. L'enfant, un petit peu. Parce que j'avais un peu un truc de. Ah, c'est horrible ce que je veux dire, mais bon, c'est pas grave. J'avais un peu envie d'avoir un enfant vers 30 ans. C'est horrible ce que tu dis. Non, ouais, parce que j'aimais bien l'idée que quand elle a 18. Ouais, un peu jeune, tout machin. Et que quand elle a 18, quand elle devient un peu adulte, j'ai encore un peu connard. De temps. Non, mais j'ai encore un peu de temps, genre potentiellement. Tu vois, en gros, normalement, quand elle aura. Enfin, normalement, si je meurs pas et elle non plus. Quand elle aura 20 ans, j'en aurai 50. Ouais. Ça va, 50 ça ans. Va. Je suis pas encore dead. J'ai encore des choses à faire dans ma vie, quoi. Et ça, ouais, je trouvais t'as encore ça cool. Belles années devant toi. Je trouvais. Faut que je réduise le coca, quand même. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais voilà. Et ça, ça me plaît un peu. Oui, mais c'est pas sûr. Des grosses deadlines. Si j'avais fait un. Là, tu viens instantanément de me foutre une tanasse de. Il nous reste 30 ans. Si je suis un enfant. C'est ça. Quand elle a 20. Mais est-ce après, qu'on peut réfléchir pas... si je suis un enfant l'année prochaine, à quel âge il aura. Est-ce que vous pouvez le faire avec moi, vite fait? Quoi si je suis un enfant l'année prochaine, à savoir à 35 ans, quand il aura donc 20 ans, j'en aurai 55. Ça va. Ah, super bien. Non, jusqu'à 60, super. Ça va. Gilou, gilou. Pour moi, de 50 à 60, tout va bien. Hein. Pense à Monica Bellucci qui a fait un enfant. De 60, c'est la merde. Non, pas du tout. Ah ouais? Et Al Pacino, là. Et tout va bien. Et Pacino, là, 80 ans. Et tout va bien. Ouais, nickel. Mais après, si je n'avais pas rencontré ma meuf et que ça n'avait pas été la bonne, enfin tu vois, je vais pas vite me mettre avec quelqu'un pour faire un enfant. Ça, ça a quand même été un truc. Oui, tu dis que ce serait pas une bonne idée, c'est ça que tu dis. Hein. Non, mais je dis ça comme ça. Je ne me permettrai pas de donner des conseils. Mais... Pardon, mais moi ça m'intéresse du coup. Je veux que tu développes, Adrien. Si on partage le même truc. Parce que moi, j'entends pas beaucoup ce genre de discours sur la sphère médiatique et j'ai besoin de trouver un repère quelque part. Non, mais je suis d'accord que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a un peu le truc qui fait rêver de dire moi j'ai toujours voulu faire. Mais pardon, mais moi j'avais pas de deadline et j'avais pas d'image précise. Non mais après je suis malade. Hein. Et quand c'est le cas, on n'est pas forcément des connards. Hein, non. C'est justement ce que je veux dire, c'est que je dis pas que c'est nul de, enfin c'est trop bien d'avoir un rêve et de l'accomplir. Oui. Tout, c'est génial. Mais c'est, je trouve c'est bien aussi de pouvoir dire aux gens. Enfin moi. Non, mais moi ce que j'ai dit plusieurs fois, c'était le côté comment dire. Je me suis jamais même autorisé à me dire ah peut-être que je pourrais être comédien parce que pour moi c'était un truc, c'était d'autres sphères qui étaient destinées à ça, tu vois. Je pense qu'il y avait un truc. C'est peut-être aussi dans l'éducation de tes parents qui t'éduquent pas à rêver, tu vois, peut-être un truc. Et du coup, moi je sais que j'adorais la comédie, j'adorais l'humour et tout, mais jamais je me serais dit peut-être je serais acteur un jour, quoi. Et en vrai, bah les choses se sont fait. Enfin, c'est des choses qui sont arrivées, qui me sont arrivées et qui ont fait que je suis devenu ça, mais c'est, ça n'a jamais été mon initiative. Après, une fois que tu es dedans, tu bosses. Oh, non, mais oui, c'est voilà. Ça. Mais en vrai, se laisser porter, c'est peut-être aussi une façon d'arriver là où tu dois aller, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, des parents qui disent, moi, c'est un peu ça. C'est que, c'est-à-dire, mes parents, ils m'ont pas dit, tu peux. Il y a une énorme mouche. Rien, c'est de tuer une mouche littéralement. Il la tuerait pas, il la trapperait pour la mettre dehors. C'est Adrien, quand même. Il la cuisinerait au barbecue. Tu vois ce que je veux dire. Rien à foutre. Non, mais je pense qu'il y a un truc de quand tes parents te disent. En fait, moi, je trouve que d'avoir des gens qui te disent bah, tu feras bien ce que tu peux et ce sera super. En fait, ça, ça te permet, je pense, d'avoir accès à des trucs. Et moi, c'est un peu ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont pas dit tu seras ça ou ça. Ils m'ont dit bon. Tu sais, genre, moi, je devais partir au Costa Rica pour faire un an de surf et apprendre l'espagnol parce que je voulais être prof d'espagnol donc en terminale donc tu vois j'avais quand même 18 ans j'étais pas en train de me dire que j'allais être comédienne et en fait j'ai annulé ce voyage, j'ai fait un prêt à la banque pour rembourser le voyage à mes parents parce que je voulais rester vivre à Strasbourg parce que j'avais rencontré l'amour et ils m'ont dit bon pff, pas chevaleresque hein, pas brillant mais voilà si c'est ça tu vas y aller jusqu'au bout tu vois. Mais en fait du coup bah, je suis allée au bout de l'expérience et c'était bien de la merde en effet mais bah voilà je suis pas devenue prof d'espagnol au Costa Rica mais il y a eu autre chose mais je pense c'est plus de dire à ton enfant bon bah en fait ouais, t'accompagne après parce que les gens qui sont tout de suite conditionnés des petits et tout moi je me suis j'ai rencontré il y a pas très longtemps un mec qui est juriste et qui en fait tu vois est dans une famille comme ça qui ont voulu qu'il fasse ça quoi et lui il se dit bah en fait j'ai envie de faire de la cuisine et c'est ouf parce que du coup genre il faut beaucoup de courage pour faire ça alors que tu te dis dans l'autre sens moi dans ma tête je me dis bah le chemin inverse c'est plus facile tu vois genre mec t'as fait les plus grosses études maintenant tu vas genre devenir cuisinier en fait ça dépend toujours des gens où tu dois t'affirmer ou pas et dans à quel endroit quoi tu vois. C'est vrai que moi quand je parlais de deadline c'était pas forcément un truc que j'avais petit en me disant à 20 ans je ferais ça à 30 ans je ferais ça parce que pareil quand j'avais 18 ans moi, je m'étais dit que j'allais avoir une. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études dans le domaine du cinéma, mais c'était, j'avais pas de sous, donc c'était pas une école privée, c'était. Une licence du spectacle. Ouais, exactement. Ah, voilà, donc vraiment un truc gratuit avec la bourse, les appels, tout ce que tu veux. Et je m'étais dit que j'allais avoir une boîte qui fait des films de mariage et des anniversaires. Oui, des bar-mix, voilà. Tu vois. Tu t'accordes avec la réalité en disant non, mais moi, ça reste. C'est ça. C'est-à-dire que j'avais pas. J'aurais adoré à l'époque être réalisateur de cinéma, etc. Mais. Pareil avec mon éducation un peu de mes parents, en plus qu'il y avait vraiment un truc de mais le cinéma c'est inaccessible et bon voilà je leur en veux pas du tout, ça a rien changé tu vois mais de et dire c'est un peu vrai et c'est un peu vrai tu vois c'est des gens qui sont enfin voilà toi bon, mon père il est jardinier, ma mère elle vend des fringues donc tu vois il y avait un truc de ça va être très difficile et ce côté rêve petit j'ai moi m'a plutôt servi parce que vraiment honnêtement c'est pas de la fausse modestie, je suis ravi de ma vie, mais je pense vraiment que ça m'aurait quand même aussi rendu heureux, en tout cas au début, selon ce que la vie m'aurait apporté, d'avoir une boîte et de filmer des mariages. Ce que j'aimais, c'était filmer et faire du montage. Donc là, c'est trop bien de le faire avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia, mais j'aurais adoré aussi, je pense, le faire sur des mariages, parce que je le faisais à l'époque, gratos, et ça me faisait kiffer aussi. Le bac arrive vite. Voilà. Tu m'étonnes. Vous savez peut-être pas, vous autres. Bah, le bac bien sûr. Le bac. Ouais, le bac. Oui, ah, je sais ce que ça va. Les épreuves françaises et tout ça. Donc savez-vous ce qui arrive aux copies des candidats une fois parce que elles sont corrigées archivées etc mais à vrai, où ça va tout ça tu pensais que j'allais demander quoi Adrien je pensais que t'allais parler de la gamine de 9 ans qui passe le bac cette année. Ouais il y a ça chaque année il y a un le bac elle a 9 ans c'est dingue mais non elle va être dépressive forcément elle l'est peut-être déjà non mais on parle de on là, parle on peut de le dire. Je sais pas Adrien Rochon non mais moi je sais pas ça me fout toujours une angoisse ouais, ça ces trucs une angoisse, elle passe le bac à 9 ans c'est petit quoi laissez-la tranquille là, moi mon frère en plus avait sauté une classe alors c'est qu'une année hein oui, oui. Et déjà tu sens une différence c'est les âges au collège là c'est au collège c'est un an c'est terrible moi j'avais une neuf dans la classe qui sortait avec un gars qui était de la classe du dessus. On était genre, mais déjà, mais quelle malade bien sûr, elle est folle. Ouais, c'est donc là 9 ans, bon, c'est ouais, vraiment non, très petit. C'est, enfin, c'est sûr que ça je pense qu'elle nous demandera de quoi elle a rêvé quand elle aura 40 ans, mais à mon avis, bon, je pensais pas comme ça décider de. J'ai rêvé d'avoir une enfance, mais. Tant pis. Je suis allée sur Mars à 12 ans, et ça va le... C'est un peu dur ça. Non, c'est juste. Donc effectivement. Au CNRS à 14 ans. Les copies sont effectivement archivées, mais qu'est-ce qui se passe après ? De quoi on fait de ces... Parce qu'en fait, elles ne sont pas toutes archivées. On je les vous brûle, même le dire. Tous les, on n'en fait pas donc quand même. On alors, les met les... en, au, tu sais, au... en Amazonie, on les brûle avec la forêt. avec... Elles ne sont pas recyclées. Genre, attends, pas, tu veux dire pas au bout du laps de temps d'archivage tu en fait, pas du... Elles ne sont pas toutes archivées, en fait. Déjà, je ne savais pas que c'était archivé. Les plus mauvaises, on les jette. En fait, tu peux consulter pendant... 3 jours ta propre copie 3 jours parce que c'est pas beaucoup pas plus c'est très de peu parce que en fait oui quand tu fais quand tu veux contester c'est ça parce c'est que quand que tu moi dis, je l'ai fait ah bon c'est vrai et ça a marché C'était tellement le perso. C'était... Non, là, non, c'est pas moi, c'est ma mère. Parce que... Non, non, mais vraiment, je peux te dire. Comment ça s'est passé sur... Parce qu'en gros, je moi, c'est en dingue. Histoire. Je crois que je l'avais déjà dit. Mais moi, en, au bac, en histoire géo, j'ai eu 2 sur 20. Oh putain. Ce qui est peu. Ah ouais, ce qui est peu. Vraiment, effectivement. Moi, ça m'a pas du tout surpris. Mais ma mère a dit quoi ? Non, c'est forcément une erreur. C'est beau. On est allé. Ouais, c'est beau. C'est, ouais, c'est beau quand t'as la pauvre. Suite, ça doit être moins et beau. Et après, du coup, on, elle est allée faire. Elle a, ils ont sorti la copie et tout. Ils ont fait. Ah oui, ça vaut 2. Ouais. Il y a pas d'erreur, vraiment. Votre fils a eu 2. Ouais. Ah, dur, dur. Mais bon, après, j'ai passé le rattrapage et j'ai eu 3. Donc, tu vois, oh là là. Tu l'as eu ton bac ? Je l'ai eu de justesse, mais au rattrapage. Putain, trop bien. Quel, ouais, bac, quel type de bac ? ES. Okay. ES. Ah, wow. ES, option maths. Ah, donc l'histoire a un bon coef en plus. 5. Ouais, pas mal. Ouais, quand même. Tu t'es rattrapé sur quoi du coup ? Sur la philosophie. Oh. Mais vraiment et encore pas une note de fou, mais j'avais pas beaucoup de points à rattraper. Ouais. Parce que j'étais pas trop mauvais en maths, qui est coef 8 ou 9 oui, ça, je crois des... en option maths. Et donc j'avais quelques points à rattraper, je l'ai eu avec la philo, wow. Quelque chose qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Moi la philo c'est ce qui m'a baisé parce que j'étais L. Ah bah ouais. Ça fout d'ailleurs parce que philo c'était coef 8 je crois en L. Bien sûr que t'étais un gars de L. Ouais bah oui, pas le choix. Hein. Ouais. Et c'est coef 8 alors que c'est l'année où tu apprends la matière pour la première fois. C'est pour la première une fois. Heure par... Enfin nous, moi j'avais une heure par semaine, on avait un. Ah non, moi j'avais beaucoup plus par contre. Sens. Oui vous. Ah moi j'avais plus. Ah oui. Non mais... on avait 4 heures nous. Ouais c'était long. Mmh. Et tu découvres la matière et elle est coef 8 ou 9 à la fin de l'année. Ouais elle est énorme. Toi t'as fait L aussi. Ouais. Allez. Bah tiens. Évidemment. Moi j'ai fait L contre. Bah moi j'ai quand même redoublé ma première seconde. La honte. Pardon, excusez-nous. On est très là-dessus, voilà. Que des winners autour de cette table, sinon. Et en fait, ils m'ont dit quand j'ai redoublé ma deuxième année, ils m'ont dit bon, écoute, comme t'es nul, mais pas, voilà, on sait pas trop. Pas débilose total. Ouais. Ils m'ont dit tu peux réintégrer la deuxième année de ce qu'on appelait une seconde en 2 ans. Donc eux, ils avaient fait la seconde en 2 ans, les mecs. Ok. Et moi, je les ai rejoints la deuxième année. D'accord. Donc j'ai fait la moitié du programme en redoublant, okay. Tu vois. Okay. Mais ce qui était trop cool, c'était que c'était une classe à projet, quoi. Donc c'est-à-dire, tu sais, il y avait beaucoup de sorties. Beaucoup de trucs et tout. Ah, eux, ils avaient donc le programme qui était étalé sur 2 ans. Et moi, en redoublant, je suis allée dans cette deuxième année-là. Et ensuite, j'ai vraiment rencontré un prof, un proviseur qui a vraiment changé ma vie, quoi. Parce qu'en gros, moi, je voulais faire L. Gérard Klein. Et il m'a vraiment. Non, je te jure, Gérard Klein, l'instit, Monsieur Fels. Il était avec son petit casque de scout. Ouais, il m'a dit écoute, tous tes professeurs s'opposent à ce que tu ailles en L. Moi, je t'ai fait redoubler pour que tu ailles en L. Et il m'a dit et puis moi, vu ta facilité à l'oral et ta manière de réfléchir et tout, je pense que tu peux le faire. Je te fais confiance, vas-y. Et j'ai, à partir de ce moment-là, toujours travaillé pour le rendre fier. Oh. Et franchement, j'ai eu mon bac avec mention, quoi. Trop belle histoire. Comment, Monsieur ouais, j'ai vraiment bien travaillé. Fels, Monsieur Fels. Ouais. Ouais. Il est devenu après un autre. Enfin, il est parti dans un autre lycée, mais c'était un super proviseur. Je crois c'était vraiment un proviseur. Qui a malheureusement fait de la prison 5 ans après. Pour escroquerie en bande organisée. Pas mal dans ce monde. CPE, Madame Strauss. C'est vrai que c'est parti un peu en cacahuète sur la fin. Et que. Mais super j'ai prof. Finalement compris qu'il avait besoin de moi dans son bise, mais voilà. La mule. Il m'écrit des mails tous les jours pour que je fasse des stories pour le libérer de prison. Mais, désolé, Monsieur Fels. Merci d'avoir cru en moi entre la seconde et ma première, mais je ne peux pas pouvoir vous sortir le speedrun. Non, mais du coup, c'est chouette quand t'es ado, franchement, que quelqu'un te dise. Ah, mais moi, j'y crois totalement. Ah, de ouf. Il m'avait dit, mais moi, j'y crois totalement. Et en plus, vraiment, mes profs, ils étaient. Putain, c'était vraiment. Tu sais, moi, j'étais archi déléguée tout le temps pour être là au conseil de classe. Ah ouais. Ouais, un peu militante. Ouais, pas tant militante. Quand t'as redoublé, ça devait être un peu technique. Bah, historique, quoi. C'est-à-dire là, parce que j'étais hyper forte à l'oral, et du coup, j'étais alors je pense pas qu'on devrait parler de Mickaël comme ça, etc. La réalité, c'est que je suçais à Mickaël. Non, je rigole. Les inside. Non, mais en vrai, j'étais là, et le truc, c'est que ils étaient pas du tout pour que je passe en première, quoi. Ah ouais. Et donc, en fait, ils voulaient me mettre en première STG, moi, je voulais faire du L, et du coup, bah, tant mieux. Parce trop que quand bien. Même, ouais. Toi, t'avais un prof comme ça, c'est vrai, qui t'a marqué ou une et prof ben, franchement, j'ai des profs qui m'ont marqué par leur incapacité à tenir la classe. Ah ouais. Et c'était dur parce que moi, j'étais en STG. J'ai fait STG. Ouais. C'était un choix. Ouais. Je voulais vraiment. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est STG pour les jeunes et technique de la gestion et on peut rajouter et de la communication. Oui, c'est vrai que c'est même pour les vraiment jeunes. L, c'est littéraire. Moi, ES, c'est économie et sociale parce que tout ça, ça a sauté, je crois. Oui, ça existe plus. Ça existe plus du tout. Mais le gars, t'es un big boss en fait. T'es vraiment un big boss de la gestion et de la communication. Le droit un peu moins, mais le marketing conceptualisé, on faisait déjà des trucs genre si on travaillait en entreprise et qu'on devait faire la promotion de produits qu'on inventait, on créait des sites internet, le trop fait de Luc une crème, oh c'est Drake. Non bref, mais non j'ai pas eu, non et j'ai des profs du coup STG, on était quand même globalement dans une classe où les gens avaient lâché les gens qui étaient en STG. Ouais. Généralement, c'était pas un choix, à part moi. Ouais. Ouais. Donc, donc, ils subissaient. Ouais. Et c'était trop dur. Les profs, c'était trop dur. Je me rappelle de les voir debout, genre, s'il vous plaît, si. Et t'as des trousses qui volent devant la personne. Ah bah ouais, la vache. Ouais, ouais. Allez, on va reprendre son manuel. Et nous, non. Nous, on avait le meilleur cas comme ça de prof. C'était un prof qui ne tenait pas sa classe, mais qui était horrible. Du coup, c'était un bonheur parce qu'il se faisait punir chaque jour par des élèves, oui, voilà. Alors qu'il était atroce. Putain. T'as un prof de techno. Ouais, les profs de techno avec leur nomenclature à la con, ils m'ont bien fait chier. Le petit porte-clés lumineux là. Bien oui, sûr. Oui, ça va. Oui, le porte-clés anti-viol. Ah bah, on voit le résultat. Attends, ah bah, merci la France. Attends, c'est pas un vrai truc ça. Porte-clés anti-agression pour les femmes. T'as vu en cours de techno. Tu l'as pas vu, il y a eu encore un truc comme moi, ça. Moi, il était la... juste lumineux. Ouais, mais il y avait vraiment. Ouais, oui, on avait un porte-clés anti-agression, donc tu tirais, ça faisait. Mais vous avez fabriqué ça en techno? Fabriqué fabriqué ça. Toi, tu l'as fait. Pas mal ça en vrai. Bah, en vrai c'est... Oui, c'est plus. Oui. Alza, ouais, c'était engagé. Bon, après, je tourne afin de ne pas me faire violer. Ouais, c'est ouais, super. Incroyable. Bon, après, oui. Ça faut pas trop mettre tous ses espoirs dans le porte-clés. Pas trop. Mais ouais, on a fait ça. Ouais. Ah ouais, non, ouais, mais c'était porte-clés lumineux. Je crois qu'on avait fait un set de bureau avec une pendule à un moment. Oui, et tu mets des trucs pour que tu offres à ton père pour qu'il le mette sur son bureau et qu'il classe ses enveloppes à l'intérieur. Exactement. Ça, on a fait. Non, mais en vrai, on faisait quand même des trucs manuels. Moi, c'est ce que je préfère en techno. Je m'excuse auprès de tous les profs de techno, je vous adore d'ailleurs. Mais moi, vous avez pas fait un dé électronique? Vous avez jamais fait un ça? C'est quoi un dé électronique? Non, c'est dans les années 60, Adrien. Ouais, pardon, bah c'est quand même plus pratique que. Oh merde, en plexiglas là. Mais non, mais c'est un truc. T'appuies sur un. En fait, t'as 6 LED rouges et t'appuies et ça te fait un dé 1, 2, 3 aléatoirement. Ah, non, pas, et tout. Pas mal quand même. Putain, pas mal. Pour les petits geekos là. Toi, y'a un prof que tu kiffais, Adrien? Non. Non, ouais. C'est vrai. Aucun. Non, ou un, non, ou un horrible. Attention, je prends tout. Hein. Horrible, horrible. Ouais. Horrible, oui. Bah en fait, nous aussi, on avait. C'était en terminale. Ouais. On avait un prof qui. Bon, je vais pas dire son nom parce que non. C'est. Okay. J'étais en terminale ES, donc ouais. Économique sociale, et c'était le prof d'éco. Je vois très bien de qui tu parles. C'est Hitler. Ah oui. Non. Et c'était aussi. Il arrivait pas à tenir la classe. Et il était vraiment débordé. Et c'était une cata parce que c'est notre prof d'éco et sociaux. Donc vraiment la matière la plus importante. Ouais. Et vraiment c'était une catastrophe. Et bon, il avait l'accent marseillais, donc je vais l'imiter avec l'accent marseillais. Voilà. Okay, on a peut-être encore le droit de faire l'accent marseillais. J'en ai un autre. Adrien, vieux con. Non, attends, c'est un personnage. C'est un personnage. Autant quand je suis ronchon, c'est vrai. Non, mais en gros, genre, nous, on était dans un. C'était un lycée vraiment qui était très fier d'avoir un taux de réussite de 99% au bac et tout. Déjà, ça m'énerve. Déjà. De quoi? Déjà, ça m'énerve un peu. Ça énerve, puis en plus, surtout privé que. Le gâteau, non, pas du tout. C'était public et tout, mais c'est en gros, la stratégie, c'était que vraiment, dès qu'il y avait vers la troisième ou la seconde, ils disaient oui, vous allez plutôt aller dans l'autre lycée maintenant. Donc en fait, ils viraient les gens qui se sentaient nuls. Enfin, c'était une cata. C'était horrible. Et lui, il était arrivé. Et il a dit l'an dernier j'étais à Seine-Nazaire, j'ai eu 30% de réussite au bac. Donc nous on était c'est une cata. Enfin genre nous normalement on nous promet vraiment un taux de proche des 100%. Toi apparemment c'est une cata ton... Mais est-ce qu'il était fier de dire ça? Non, il était pas fier, mais et il nous sortait à chaque fois des trucs qui lui faisaient perdre en crédibilité. Genre un jour il nous a dit et je jure que c'est vrai hein, parce qu'on dirait un sketch. Il avait dit à un examen, je vous conseille de prendre deux montres parce qu'un jour j'avais ma montre, elle était tombée en panne. J'ai cru qu'il me restait le temps et du coup j'ai eu 0,5. Parce qu'en gros, il a regardé sa montre pendant deux heures et il a dit putain, génial, il me reste encore deux heures. Tu fais, t'as pas vu que le temps ne s'écoulait pas. J'avançais plus. Et vraiment, il nous a dit prenez deux montres. Tu savais rien dire. Non mais parce que c'est pas comme s'il y a un peu plus de batterie, du coup ça passe moins vite. C'est vraiment un moment le temps s'est arrêté pour lui quoi. Oui non mais c'est une montre à aiguille j'imagine. Peut-être pas lire les aiguilles aussi. Non mais je sais pas, mais en tout cas le mec s'est pas dit tiens le temps ne passe plus. Et il a dit prenez deux montres quand même, comme ça il y en a quand même une qui. Et vraiment tu fais mais en fait gars on est entre tes mains, c'est fou quoi. Et aussi il avait dit RS4 Grinardo bien sûr. Oui bien sûr évidemment. Soleil sur la bulle. Non mais. Et aussi, il nous avait dit cette phrase, c'était qu'à un moment, je sais plus, on était en train de ricaner. Il avait dit, ouais, riez, on verra qui va pleurer après le bac. Oh, wow. Genre vraiment, une menace. Vous aurez pas le bac. Donc vraiment, tu fais bon. C'était fou ça. Ouais. Et il était, ah oui, et aussi, En fait, à chaque fois. Je suis attaché à lui. Ça bah, il avait un côté. Et moi, dans un peu... ma tête, il a la tête de Titoff, donc ouais. C'est vraiment un mec très sympa. Tu vois. Non, il avait un côté un peu François Damiens physiquement. Oh bon, ah bon, bah tout voilà. Est gueule. Voilà. François Damiens avec les cheveux bouclés, quoi. Ah ouais. Et aussi, en fait, à chaque fois, il perdait le contrôle de la classe, donc ça, le niveau sonore montait, et lui, il tapait sur la table, ah oui. Vraiment ah, comme un bœuf, et donc du coup tout le monde s'arrêtait et regagnait un petit peu de silence pendant un moment. Et un jour il y a une des élèves qui a dit: mais monsieur, vous faites jamais mal à la main? Et il a dit: c'est pas la main qui frappe, c'est l'esprit. Oh, pour moi c'est un énorme banger. Non mais c'est génial. C'est le... Je l'adore. C'est non mais du coup ouais. Bon, une cata en termes de d'éducation et tout. Mais tu sais, y a, en termes de personnage, il était génial, quoi. Des fois tu te dis quand même qu'ils nous ont laissé des fois des heures avec des adultes foulés. Fou. Ouais. Fou. Ouais. Tu fais genre waouh. Moi je me rappelle, j'avais une prof en seconde, justement l'année où je devais redoubler, où ça se passait pas bien. Ouais. Elle m'avait découpé. J'ai déjà raconté cette histoire. Quoi, mais quand j'y repense, c'est fou. Elle m'avait découpé. Il manque le COD, je crois. Elle m'avait découpé un article dans l'Alsace qui parlait d'un métier d'avenir qui était pisciniste. Ah oui. D'accord. Ouais. Et elle me l'avait amené, et devant tout le monde, elle m'avait dit: bah voilà, Laura, je pense que vous pouvez lire cet article. À mon avis, c'est plutôt ça votre débouché. Oh là là. Tellement un métier d'avenir que personne ne sait ce que j'avais c'est. J'avais 16 ans, elle en ouais. avait. Et à l'époque, ouais. elle n'était pas loin de la retraite, mais elle devait avoir 60 ans. Ouais. Je trouve ça d'une méchanceté. Mais c'est un roast en fait, quoi. Ouais. Et c'est horrible, quoi. Le temps et que après, ça lui a pris et tout. Après, respect aux piscinistes, même si on ne sait pas du tout ce que c'est. Non, mais c'est pas ça. Ce que c'est votre métier. C'était même pas ça. On pourrait mettre notaire, comptable, juge. Elle me donne, elle me dit: c'est ça que tu vas faire, tu vois. Trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais après, moi, j'avoue que j'ai quand même eu globalement que des profs où j'ai. S'ils m'ont suivi toute ma vie dans ma tête, c'était les meilleurs. C'est quoi, fou comme ils te marquent, les profs. Quand même. En bien ou en mal. Hein, mais y a... Moi, j'ai toujours rêvé d'être prof parce que je pense que c'est encore plus éternel que d'être actrice ou comédien. Vraiment, ouais, ouais. Je trouve qu'il y a un truc où t'es là. J'avais une prof de littérature qui m'a littéralement. Mais t'es Nekfeu en fait. La prof était Nekfeu. Tu m'as donné envie de lire. Enfin, on avait quand même au bac Pascal, qui sont des fragments de pensée dont tu ne comprends rien, qui sont illisibles. Et à la fin, t'es là, genre: mais tu comprends pas, c'est de la poésie. Tu sais ce que Pascal a voulu dire? C'est que là, c'est la vanité humaine. Ça ne sert à rien, la fin, on meurt. Là, genre waouh, tu vois. Et franchement, t'apprends des trucs, quoi. Ah, et ça c'était pas magnifique. Ouais. J'ai pas de profs qui m'ont fait tomber amoureux de choses. Madame Duval, elle était sublime. Les gens étaient là, Madame Duval passait dans le couloir, on faisait: Madame Duval, Madame Duval, Madame Duval. T'es au courant que c'est la femme de Monsieur Duval? Bah oui, ils sont même. Moi j'ai pas eu de profs qui m'ont inspiré comme ça, moi. Ouais, moi non plus. Moi c'était l'inverse. Un petit peu, moi ils me calmaient bien ma race quand je leur disais que je voulais être comédien. C'était vraiment genre non, vraiment, prends autre chose, choisis autre chose. Je suis sûr, non. Moi mon cousin il fait ça et je peux te dire qu'il en chie, hein. C'est sûr, Cédric, que tu veux faire ça? Bah ouais, j'aime bien, quoi. Tous tes profs étaient des petites dames de 70 ans. Tous mes profs étaient comme ça. Non, t'es sûr, Cédric? Non, s'il vous plaît, restez assis. Non, c'était l'enfer. Ouais, franchement, quand tu y repenses, c'est dur. Hein. Personne croit en toi, quoi. Je me souviens, il y avait Xavier Darcos qui avait fait genre là une. Nom et prénom, putain. Ouais, non, Xavier Darcos, c'était un ministre. Xavier Darcos, c'était pas loin, pardon à tous. Il avait fait une réforme de je sais pas quoi de l'école, de je sais plus du tout. Ouais. Et vraiment, les jeunes de la France entière manifestaient. Ouais. Je te jure, ah bah oui, il y avait le CPE aussi. Le c'est ça, c'est ça. C'était le CPE, c'était Xavier Darcos. Ah bah oui, ça c'était. Et nous, vraiment, on a mis tellement de temps. Et moi, je me souviens d'élèves qui étaient pas contents parce qu'ils avaient pris le bus pour aller au lycée. Et il n'y avait pas à lycée ou collège, non, c'était lycée, je pense. Il ouais, y avait pas lycée, et donc du coup, ils disaient: non, mais nous, à faire court, on a fait le trajet. Ça, vraiment... ça existe toujours, ça. Les chiants, les relous, tu vois. Et alors que moi, j'étais genre, mais quel bonheur. Bah oui, quel bien sûr. Ah ouais, y a pas école. Tête, bien sûr. Par contre, faut manifester Flo. Ah, ça, c'est un peu chiant. J'ai pas eu ce privilège parce que j'étais dans le lycée le plus ressemblant à une prison, je pense, en France. C'était la Croix-Rouge à Brest. Okay. On était vraiment, je pense, 8000. Et c'est pas une connerie, je vous jure. Il y a 20 classes par niveau et il y a tous les niveaux. Ça passe de la petite section à 3 ans après le bac. On a tous une combinaison orange. Et il y a une poupée géante qui nous tue. Voilà. Mais ce qui fait que quand il y a des manifs. Tous les lycées de la ville venaient nous voir. Enfin, une émeute. Et en fait, on se faisait une émeute, effectivement. Ouais. On se faisait tous entourés par vraiment une vingtaine de camions de CRS, on les avait comptés. Ils nous emprisonnaient dans le lycée et ils nous enfermaient dans les classes. Ah ouais. On ne pouvait pas sortir. Ah oui, c'était mais la folie. Donc c'était. Ah ouais. Voilà, la liberté n'était pas encore un concept. Wow. à la Croix-Rouge de Brest. J'embrasse d'ailleurs tous les élèves de la Croix-Rouge de Brest. Tu pouvais pas sortir pour manger à midi, non, c'est ça? On pouvait, ouais, moi j'étais demi-pensionnaire, c'est comme ça qu'on appelait. Donc comme j'avais payé pour être demi-pensionnaire, donc manger à la cantine le midi, je ne pouvais pas prendre la liberté une fois dans la semaine si je voulais de sortir. C'était tu prenais ça, moi je crois aussi. Moi je crois que c'était pareil. Moi si t'allais manger chez toi, c'était comme ça. Moi c'était ça aussi. Franchement, moi je me suis retournée il y a pas très longtemps devant l'épicerie. C'était un quartier très turc dans lequel j'étais dans mon lycée, donc c'était vraiment un quartier où il y avait plein d'épiceries turques, donc j'ai mangé énormément de produits turcs. Ouais. Et vraiment, des fois, j'ai des pâtes turques et je leur dis bah bien sûr, les biscrèmes. Et ils me disent mais comment tu connais ça? Et en fait, on allait chercher à midi un paquet de biscrèmes, donc, et après, on allait dans une boulangerie où on prenait, tu sais, des sandwichs au jambon ou à la rosette, et on rajoutait dedans des yum yum, donc c'est-à-dire les soupes chinoises. Pas, tu sais, pas cuite. Oui, bien sûr. On mettait la poudre à l'intérieur, on mangeait ça faisait un petit croquant salé, etc. Oui, les ramen, quoi. Les pâtes ramen. Ouais. C'est pas vraiment des ramen, mais ouais. Et bah, laisse-moi te dire que je suis quand même vietnamienne sur ce coup-là. C'est pas du ramen. C'est des pâtes, c'est pas les mêmes pâtes que le ramen. Mais je vois, les trucs en plastique là. Ce serait trop con de vous embrouiller là-dessus. Bon, bref. Ok. En tout cas, pour dire qu'aujourd'hui, j'ai appris en allant voir cette épicerie de nouveau que c'est interdit par le lycée de manger des yum yum, tellement c'est toxique pour le corps. Ah ouais, ouais, d'accord. Tu sais, les petits sachets directs de poudre, ouais, bah, là, je pense que c'est juste le cancer. J'en ai 6 dans mon tiroir chez moi. Voilà, et bah tu vas. Tu vas demander à ton IA de plus tard. S'il faut continuer à moi, de toute façon, l'IA. Te répond, l'IA de moi dans 10 ans, je pense qu'ils disent on n'a pas de données là. C'est... ouais, c'est ça ne répond pas, désolé. Ça ne répond pas. Désolé, monsieur. Par rapport à toutes les informations que nous avons prises. Dans 10 ans, c'est silence radio, malheureusement. Allez. Alors, ma question sur le bac, je vous donne la réponse. On est vraiment Quelle était la question? C'était qu'est-ce qui arrive qu'est-ce aux copies? Les copies. Et on les recycle pas? Alors, on les recycle, mais précisément, je sais dans quoi on les recycle. Donc, dans un monde de rêve, on les recyclerait en cahier. En PQ. Alors, j'allais. En torche merde. Putain. En PQ. Non. Ah, en papier toilette. Ah bah ouais. Putain bah ouais. Mais c'est hilarant. Ouais. Et le PQ recyclé, venez, après, c'est fait vraiment. Une story où genre on a chié sur le PQ et on fait genre c'était ma copie de Géo. Non, c'est pas une bonne idée. Bah, fais-le et puis. Tu sais quoi, fais-la. On voit comment ça marche et on te suit après peut-être. C'est toi la queen des réseaux autour de cette table. Hein. Mets un petit filtre peut-être. Moi j'ai fait rigolo. Moi j'essaie de prendre mes distances avec les réseaux en ce moment. À la limite, tu me tacques dedans et je la reposte. Je peux pas faire mieux. Donc ouais, elles sont recyclées pour produire des calendriers également et du papier toilette. C'est incroyable. Et effectivement, toutes ne tombent pas dans l'oubli puisque tous les 5 ans, le ministère prélève au hasard des dizaines de milliers de copies. Putain. Pour voir l'évolution au niveau du temps de l'éducation et des trucs comme ça. Ils doivent être tellement mal quand ils voient ça. Je pense vraiment dans les années 50, les gens faisaient des phrases très différentes. Ouais, c'est ça. Nous pouvons constater avec l'arrivée de Charles de Gaulle. Les fast-food, tu parlais de nourriture. J'ai hyper envie, je te fais un cache. Les fast-food ont donné leurs chiffres et on connaît les plats les plus vendus dans ces restaurants. Alors, à votre avis, quels sont les plats? Mais attends, les fast-food. Alors, c'est ça, c'est tout mélangé. C'est un burger. Alors, le burger est évidemment numéro 1. Indétrônable. Les frites. 8,7, alors des ça n'en fait pas partie. Si tu me dis une salade, pardon, y a pas de salade. Attends, les frites, non, okay. C'est un accompagnement, c'est pas un plat, j'imagine, c'est ça. Les chicken nuggets. Les nuggets sont quatrième. Ah ouais, alors je vous donne les chiffres quand même. Hot dog. Là, il faut qu'on trouve le trio. Kebab. Les 5. Alors attendez. Quoi? Attendez. Kebab, donneur. Attendez, je suis pas Jean-Luc Reichmann, moi, je suis pas un pro de ça. Laissez-moi 2 secondes. Ok. Les burgers, 8,7 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Tu m'étonnes. Les tenders, 958 millions, le poulet, machin. Alors les kebabs, ça rentre dans les viandes au grill. D'accord. C'est une technique de grill. C'est ça, donc les yum yum. Non, mais je veux dire, les courtes pailles rentrent dedans aussi. Les ramen. Non, parce qu'il y a vraiment un article. Dans l'article, ils te disent, alors malheureusement, grosse chute pour le segment grill parce qu'elle souffre des fermetures de courtes pailles. Eh oui, maintenant. Attends, quoi? Bah, courtes pailles, il y en a beaucoup. C'est fini. Fermées. Ah non, il y en a plus non. que 87 en France, t'imagines? C'est un oh là là, courtes pailles. Le petit toit en chaume là, putain, c'est pas vrai. C'était magnifique, hein. Je suis jamais allé dans un courte paille, je crois. Ah, vous n'êtes pas courte paille? Non. Ah, une fois, je crois. Flunch plutôt, non? On y a flunché et on a... Et les légumes étaient à volonté, ça je peux vous le dire. Mais Buffalo Grill. Ça existe encore cette mode, je regarde plus la télé, de prendre des chansons connues et de les rendre... Moi, c'est un de mes trucs... Et de les rendre quoi? Bah, et de les transformer en marque. Genre, bigard, ça c'est bigard. Et flunché, c'est on va fluncher. Et donc moi, j'ai flunché, les légumes sont à volonté. J'ai plus c'était à l'époque, mais je pense que ça existe plus trop maintenant. Plus trop, ah ouais. Non. Et ça, et je et regrette. Ça nous manque, hein. Ouais. Je regrette. Ouais, fertiligène. Jardin. Ça pousse bien. Ouais, bien sûr. La paire, il n'y en a pas deux. Mais ça, c'est une compo. Ouais, ça va, c'est un jingle. C'est pas une chanson. Non, avec Cédric, on connaît la voix. Ah bon, oh, perso, ouais. Ça va le showbiz. Wow. Ouais, ça va le showbiz. Ouais, bah, sur Asterix que t'as dû la rencontrer. Et c'est une grande créatrice de c'est la fille qui a la marque Coucou Suzette. Ah, je connais Juliette. Pas. Ah, ouais. Son père est un ouf de bah de jingle de voix off et celle qui a fait ça. Ah ouais. Okay. Tu peux me faire ça s'il te plaît. La paire et on a pas de. Voilà, mais elle a marqué l'histoire. 40 milliards d'euros. Ouais, ouais. Les jingles d'Adrien Anchon, c'est. Et récemment aussi, parce que je Fertiligène, j'avais oublié, pardon. Fertiligène, bien sûr. J'ai zappé et il y avait une pub pour Bosch. Et ils ont repris la chanson des Lonely Island, de on en a Bosch, parlé. Like justement, ils ont pris de jambes de Bosch. Non, mais Like a Boss. Ils font Like a Bosch. Donc c'est trop bizarre. Ils ont repris une chanson des Lonely Island pour faire la pub. Elle est jambes, bien sûr. Elle est jambes. Le bas du dos est bien bombé. Le bas du dos est bien bombé. Non, c'est le bas du dos. Non, le bas du dos est bien tombé. C'est pas ce que j'adore dans cette chanson, c'est qu'il dit il est 4 heures passées, on n'est même pas fatigué. Pour moi, c'est une phrase de bébé en fait. Des fois, les rappeurs, ils ont des phrases de bébé qui le butent en fait. Il est encore passé, on n'est même pas fatigué. Ouais. Oh waouh. Je suis un grand. Je suis un grand. 14h30, j'ai même pas déj. Même pas d'èche. Et grâce Matt ce matin. Je me suis pas lavé les dents, je m'en bats les couilles. Donc burger numéro 1, viande au gris numéro 3, tenders numéro 4. Ouais, bah soda, ça marche. Ça rentre pas dans c'est les menus. C'est les plats, c'est les plats. Et là, on doit trouver l'accompagnement en deux, par exemple. Alors, pas les accompagnements, je crois pas que non, c'est que les plats, je crois, justement. C'est que des plats. Ah, attends, attends, moi, j'ai découvert un truc. Non, tenders, c'est dit. Je suis vegan. C'est considéré comme un truc, un waffle burger. Ah, c'est quoi ça, les waffles? C'est génial. Ah, c'est le burger avec, la gaufre, avec des gaufres et tu peux mélanger en mettant du sirop d'érable. C'est pas génial, tu mets 4 jours à le digérer, c'est ton corps merveilleux. Ouais, non, frère, je vous jure, ça. Si vous avez un super microbiote, allez-y. C'est formidable. Ouais, c'est non. Pas moi. Pour c'est tous pas les moi. Très bons microbiotes qui nous écoutent d'ailleurs, ouais, oui. N'hésitez pas. Bien sûr. Ouais. Non, moi j'ai découvert. J'ai un bon microbiote. Moi j'ai découvert récemment le pain perdu avec du sirop d'érable. Je connaissais pas. Ah ouais, très très bon. Avec le sucre par-dessus. T'as rattrapé un retard. Il y a pas longtemps, j'ai découvert le chocolat. Et alors le concept de tartine. Les tartines, vous connaissez-vous? Mettre un truc un peu mou, un petit peu moite sur du pain. Oui, c'est vous que quand on frit des patates, ça donne des chips. Et tu viens d'où? Mais non, mais écoutez, mais mec, tu nous as dit du pain perdu avec du sirop d'érable. Mais ouais, mais le connais... top numéro 1 des ventes. Moi, entre... Et je sais qu'il y a des Français qui nous écoutent, qui sont dans ma team. Ouais. Nous, c'était que des petits écolites, tout. Industriel. Oui, là, est-ce qu'ils deviennent ceux-là? On prend 8% pour le FN. On n'avait pas des cuistots, les parents n'étaient pas trop cuistots. On n'était pas cuistots, et je suis pas curieux, moi je suis pas curieux. Ça, c'est vrai, ça. Mais culinairement, c'est une cata. À cause de tes parents, à cause de tes parents. Aucune curiosité. Bon, je les embrasse, écoute. Oui, je les embrasse. Je vais envoyer un DM à Socho. Ouais, mais c'est vrai que les. Oui, j'avais pas de curiosité, donc souvent, moi j'ai découvert les sushis à 26 ans, par exemple. En France, en plus, du coup. Oui, bien sûr. Oui, oh, ça va, ça va, yo-yo. Un voyage, oh non, c'est pas des ramen, les sushis français, oh, c'est pas vraiment les sushis, ça va, c'est bon là. Non, mais tu l'as encore aujourd'hui, cette pauvreté culinaire? Bien sûr. Oui. Oh là, mais je la chéris. Attends, il a découvert les légumes l'an dernier. Ah ouais, vous mangez de l'herbe, tu sais que c'est connerie. Non, c'est bien que quand on pèle une carotte, t'as une salade de carottes. T'es capable de manger 4 fois la manger sans la cuillère. Je fais ça dans ma vie. Oui, dans aussi. Vie. Ouais. Je mange tout le temps pareil. Je te jure, Flo, écoute-moi, je te le dis là devant tout le monde. Elle va dire un truc pour moi. Tu aimes ton enfant. Oui. Tu dois faire absolument attention à ne pas manger que des sucres rapides. Oui, parce que je ne veux pas que tu meures. Non, j'entends. Voilà. Mais j'y ça va. Parce que si c'est pour nous faire un film, un biopic sur le cancer dans 4 ans, c'est non merci. Il y aura des blagues. Ouais. Bah super. Non mais oui, mais c'est vrai que c'est un manque de... Non mais par exemple, mes parents me faisaient manger des légumes. Moi j'avais soupe tous les soirs par exemple, donc j'avais mangé des légumes. Mais c'est pas de ta faute alors. Mais une raco minute soupe malheureusement. Non, une vraie, ma mère mettait les légumes et l'Asie. Non, mais t'es d'une grande famille ou pas? C'est-à-dire genre on est nombreux. Ouais, du coup, une grande distribution, une dynastie royale. La famille des Thénardier est une grande famille. S'appelle Florent Bernard Arnault, hein, c'est son nom. Son nom complet. Non, j'ai un petit frère, quoi. Pas okay. Père, mère. Enfin, ils ont divorcé depuis, mais père, mère, petit frère. Donc, on était quatre à la maison. Donc, non, ça se passait bien. Mais c'est vrai que pas une grande curiosité. Et j'adore les snacks, ouais, les conneries comme ça. Donc, c'est normal. Les trucs à bio. C'est quoi ta sucrerie préférée? Quoi la tienne à toi? Je crois que je suis très Kinder Bueno. Je crois que c'est vraiment mon numéro 1. Et alors, j'ai une vraie question. Kinder Bueno White, c'est ok ou pas pour toi? Alors, franchement, je peux même pas répondre à cette question parce que ça ne rentre pas en compte. Je prends que le Kinder Bueno. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je crois que si j'ai dû le goûter une fois, c'est pas très intéressant. Sucré. Moi, le White a pété le normal pour moi. Ah, je préfère le Kinder Bueno White au Kinder Bueno. Ah ouais, c'est ta petite personnalité, ça m'étonne pas beaucoup. Petite fantaisie. T'as toujours été quelqu'un d'assez pepsé. Sa curiosité culinaire, c'est ça. J'ai quand même goûté le chocolat blanc. Pas mal. Moi, j'adore le chocolat blanc. C'est comme les petits hippopotames. Ouais, qui n'est pas du chocolat par ailleurs, qui est vraiment. je pense que ton système de récompense du sucre doit être vraiment la plus belle chose qui existe en toi. Chez toi, ça doit faire en permanence dans le corps de Flo. Ah, c'est ouais, c'est spécial. C'est fou parce que le chocolat blanc, c'est vraiment du beurre et du sucre, mais c'est le meilleur truc. Je suis d'accord avec toi. Le Galak, c'est une. Ouais, c'est ça. Ah ouais. À un moment, il y avait le Crunch. Je crois qu'il existe plus. Le Crunch blanc, chocolat blanc. Non. Ça, j'adorais. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Vous êtes toi, tu manges des Kinder, toi? Non. Ouais, t'es pas trop sucre. Non. Je suis vegan. Ouais. Ah, ouais. Y a, et du coup, on peut. Il y a du lait. Y a... Oui, ok, il y a du lait. Enfin, il y a du lait. Renseigne-toi parce que je suis pas sûr qu'il y ait des trucs comme ça dans les Kinder. Il y a du lait. C'est ce qu'ils ont dit, mais. Bah, ça m'arrangerait. Hein, mais si t'aimes bien manger des petites saloperies mi-journée quand même. Des trucs qui rentrent dans ton régime, mais. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Ça m'agressait pas déjà. Tout de suite. Truc sur lequel je saute tout de suite. C'est-à-dire, mais attends, en termes de. Dans le cadre d'une nourriture réconfort. Voilà. Nourriture réconfort. C'est un gros sauceur, Adrien. Ouais, bah alors ça, c'est sûr. Un soupeur. Je suis un gros soupeur. Bah. Petit réconfort, je vais dans une veste. Petite feuille noire, un petit morceau de pain. Hop là. Un petit pain poilane. Toi, t'aimes. Non, je sais pas. Moi, j'aime bien les trucs genre. Je sais pas, les chips. Non, mais sois pas agressif avec les chips en fait. Non, mais. Nourriture. Bah, en vrai. T'aimes pas des trucs sucrés? Y'a pas des trucs sucrés que t'aimes bien? Si. Il veut pas en parler, Non, le crack, hélas. Je cherche, j'ai un peu un trou. Non, si, trucs sucrés, bah les bonbons, les trucs comme ça. Ouais, c'est-à-dire des petits bonbons des fois. Ouais, les y a les Scooby-Doo là. Tu peux pas bouffer du coup, toi. Bah, ceux à la gélatine, non, mais tu vois, les Scooby-Doo, les trucs. Alors que moi, par exemple. D'ailleurs, les Dragibus qui étaient vegan ne le sont. Plus VG ne le sont plus apparemment. Non, ils ont du porc. Du porc dedans. Bah oui, parce que de la gélatine, donc du porc. Ouais, apparemment. Mais moi par exemple, je suis pas du tout bonbon, je suis très sucre. Ah, mais c'est le chocolat mon problème. Ah, ouais, c'est vraiment le chocolat. Oui, ouais, chocolat. Ouais, tu vas jusqu'où dans la le... vous pouvez aller jusqu'où là? Combien de pourcentage là? Non, mais moi je purée dure, moi je peux taper du 95. Bon, ouais, bon, moi tant que c'est de la fève, ça se bouffe. Et moi je reviens de très très loin. C'est-à-dire qu'après moi il y a eu le truc où je bouffais n'importe quoi de mes 6 à 20 ans. Puis ensuite le corps grossit. Mais moi c'était pas le cas avant. Oui, mais bien, j'avais pas changé les. Tu te poses pas de questions. C'est ça, j'avais pas changé les voilà. Moi, le matin, c'était un paquet de Prince entier avec le bol de Choco Pops. À l'époque, ouais. C'est bah, moi, maintenant, bon, non, mais maintenant, c'est la récompense. En fait, je t'ai vu le faire sous mes propres yeux. Pas un paquet entier, t'es malade. Bon, ah bon allez, tout de ah suite. Bon bah non, non, je croyais. Entier. Non, 3-4, mais pas un paquet entier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai arrêté. Ouais, c'est dur parce que franchement, l'alimentation, c'est tellement un système de. Tu sais, c'est tellement un truc, soit t'as le contrôle là-dessus et du coup t'es devenu un peu un master de ça parce que tu sais plus ou moins et tu as un régime alimentaire particulier, ce qui t'a forcé un peu à être attentif aux choses, soit vraiment franchement c'est dur quoi. Moi, c'est vrai qu'il y a même des moments où on se fait des phases de oh, alors là cette semaine j'arrête le sucre et puis 3 semaines après on est là genre montagne de sucre. Ouais, c'est ça. Et moi le goûter, moi je goûtais déjà. Mais c'est super dur le système de. En fait, il faut vraiment se rendre compte. Là, il y a un super documentaire qui est sorti là-dessus sur Netflix sur le ventre, tu vois, sur l'intestin et tout. C'était la même meuf qui avait écrit un livre qui s'appelait Le charme discret de l'intestin. C'est une chercheuse. Et en fait, vraiment, le docu est ultra bien fait parce qu'en plus toutes les petites animations elles sont faites en laine, tu sais, ces petits bonhommes en laine, ça c'est trop mignon. Trop mignon. Et en fait elle t'explique que ce qui est hyper important, parce que là on est vraiment en train d'essayer de c'est vraiment la problématique à venir phare de, si tu veux, des années qui vont suivre dans la médecine, si on se demande si parfois il y a des maladies qui arrivent typiquement du ventre et qui ensuite sont générées d'abord par le ventre et ensuite tu vois sont générées dans le cerveau. Par exemple Parkinson, on se rend compte que les gens qui ont Parkinson ont des problèmes digestifs et tout, donc on sait pas qui vient avant. Bref, c'est hyper intéressant. Là c'est très chiant ce que je dis, mais c'est hyper intéressant parce que en fait elle explique que. Et elle défait un peu le truc en disant calmez-vous, arrêtez de faire des analyses de sel, arrêtez de. Ouais. Elle dit juste vraiment, je vous explique pourquoi vous êtes inflammé, pourquoi vous avez mal au ventre quand vous avez mal au ventre, et juste venez, réappropriez-vous des nouvelles bactéries, des nouveaux trucs en diversifiant de malades. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, ça peut être juste des petites quantités. Bien mais sûr. Si t'arrives, ils disent qu'il faut entre vraiment, je sais plus à combien par semaine de légumes et de trucs, mais des tout petits apports. 30 ou 50. Et en fait, le truc, c'est que quand t'as mal au ventre, ce qui est mon cas, moi, pendant longtemps des années, j'ai basculé vers un truc où je digérais plus rien, j'avais très très mal et c'était hyper handicapant, voire hyper déprimant. Et ben en fait, tu te rends compte que. Quand tu dois diversifier sur des aliments qui sont crus ou d'autres aliments un peu plus complexes, ton corps il veut pas. Mais en fait, il faut s'accrocher quoi. Ouais, c'est parce ça. Que tu vas 10 fois mieux digérer un McDo, ça c'est clair. Ouais. Mais alors, c'est catastrophique ce que tu fais aux autres bactéries quoi. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment juste remettre un tout petit peu tous les jours et tout. Mais c'est hyper. Non mais ouais. Tu vois, moi j'ai pas du tout une vie réglée, c'est un enfer pour moi. Genre quand je vais en tournée, je suis là genre, bon, et ben flunchon. Tu vois. Oui, bien sûr. Tu fais bon, bah voilà quoi. Et puis après, quand t'as un enfant, tu dois les places, tu dois les finir. Ouais. Enfin, ça c'est le truc où j'en veux un tout petit peu à mes parents, c'est vraiment un plaidoyer anti. Ouais, là, je veux. Mais... Un truc où vraiment ça je le fais pas à ma fille parce que c'est un truc où je leur en veux un peu parce que j'ai toujours ce réflexe de merde, c'est fini ton assiette. Ouais, c'est ouf. Mais c'est l'enfer, ça c'est vraiment relou. Ouais. J'arrive pas à jeter de la bouffe. Ah bah ouais. Parce que, et ma fille, des fois, ma meuf, elle me dit, mais ne mange pas. Et tu sais, j'ai un truc de, bah, on va pas acheter. Ouais, alors que tête, les... ah, faut pas. On s'en branle, tu vois, mais. Ouais. Ouais. Non, mais là, je vais aller au stage, je vais faire de l'Ozempic, là. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est quoi le truc des Américains. Ah oui, le médoc horrible, là, qui en te fait. Fait... En fait, c'est un truc à la base pour les diabétiques, je crois. Et en fait, c'est des injections que tu te mets pour maigrir, en fait. Et apparemment, il y a plein de gens obèses qui font ça aux États-Unis. Ça bouffe le gras, ça. Bah, je sais pas trop comment ça marche. Oui, je pense que c'est ça. Ça, non, ça, je crois que ça ment à ton corps, je crois que ça te dit que ça t'apporte des trucs que ça t'apporte cata, pas. C'est une grosse... ouais. Et genre vraiment les gens se foutent ça, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais ouais. Et c'est une grosse mode aux États-Unis de gens qui s'injectent ça dans le bide. Vraiment avec une piqûre en plus. Mais là tu vas voir franchement si vous regardez le docu, ce qui est trop marrant c'est que tu vois ce que ça fait quand il y a du sucre et c'est trop mignon parce que du coup genre c'est une espèce d'explosion de joie. Ouais. Mais du coup il y a tellement rien qui est traité qu'on fait genre bon on va foutre de côté on sait pas quoi en faire. Et c'est comme ça que tu prends du gras et tout, ce qui est pas grave tu vois, mais et puis d'ailleurs il faut tout. Elle dit il faut pas supprimer ça complètement quoi. Mais c'est vrai que du coup tu comprends, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que tu comprends que quand tu vas par exemple dans un marché et que t'as un stand de tablettes de chocolat ou que tu vas dans un rayon et tout, en fait ils se rendent compte avec les années que ton ventre il envoie une information à ton cerveau qui fait qu'il n'y a plus une question de volonté ou pas de volonté. Genre c'est-à-dire c'est même plus toi qui décides que tu veux ça. Donc ça m'a vachement déculpabilisé de me dire aussi bah, franchement je suis pas débile quoi, c'est vrai qu'il y a des moments de la journée où d'un coup je me dis c'est exactement ça que je veux, c'est ça que je veux manger. Il voilà, y a quand même un truc où depuis qu'on est tout petit c'est un chien rigolo qui te vend des céréales méga sucrées. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc vraiment relou. Il y a un truc vachement qu'on n'arrive pas à défaire, c'est à quel point la nourriture aussi est réconfortante. Et donc du coup quand tu as traversé un truc difficile ou que tu as réussi un truc, c'est une récompense. C'est aussi un peu ça à défaire aussi. C'est à dire que par exemple moi quand j'ai mes règles, j'ai envie de bouffer toute la merde du monde, mais je sais aussi qu'après comme mon corps il est déjà en difficulté, si je viens m'injecter une dose de merde, bah, je vais galérer 15 fois plus l'après. Alors que si j'ai mangé un truc qui était plus cool pour nourrir ce qui va pas dedans, ben d'un coup ça va mieux. Mais c'est pareil, mais parfois tu dois faire le choix de prendre un truc qui te fait juste plaisir comme ça. C'est ce qu'on m'avait dit ma nutritionniste. Elle m'avait dit en gros qu'il fallait pas non plus restreindre trop. Mais c'est pas viable. Et puis ton corps ne va pas bien réagir à ça non plus. Il va y avoir vraiment un truc de. Tu vas juste pas être heureux dans ta vie quoi. Ouais, puis c'est dur ça parce que la vie c'est quand même la nourriture, enfin c'est quand même au centre de nos existences et tout, c'est quand même super dur. Moi j'ai toujours eu ce truc de je fume pas, je bois pas, je me drogue pas, tu sais, je me dis allez manger de temps en temps, tu veux un petit McDo, allez tranquille. Allez, on passe à la météo. La mairie de Tokyo a lancé une application, à votre avis laquelle donc? Alors, celle de savoir combien de Français il y a dans sa ville. Non, je peux. C'est en rapport avec les gens? C'est par rapport aux gens, c'est par rapport aux habitants de Tokyo. Pour avoir le moral, pour évaluer le moral global de la population, non? Non. Est-ce que c'est un truc genre préventif? Non, pas vraiment. Je pour crois les pas. Aider à faire quelque chose dans exactement. Leur vie. Exactement. Les à savoir chiottes. Où les gens sont? Non, pas vraiment, pas les chiottes. Non, mais savoir où sont les chiottes. Moi, j'ai une appli pour ça, c'est génial. C'est vrai? Ouais. Ici, c'est vrai? Une appli qui s'appelle. Je crois que je l'avais déjà recommandé. Et du coup, est-ce qu'il y a des options autres, les points de toxicomanes pour les femmes quand on veut faire pipi dans la rue ou pas? Ah, pas du tout. Comment ça? Pas de quoi? Non, mais tu sais, les chiottes gratuites. Ah oui, il y a d'autres options que ça parfois. Je crois qu'il y a des lieux publics avec des chiottes machin. Mais ça il y a l'option mentir aussi, rentrer dans un café, dire je suis enceinte, est-ce que je peux faire pipi? Ouais, bien sûr. Bon, je peux pas trop utiliser cette appli. Non, ça s'appelle Flush, l'appli, voilà. Et en fait, ça te fait une carte et tu vois les chiottes parce que bah, des fois j'ai envie de faire pipi. Il y a des beaux fois j'ai envie de faire pipi et je me dis c'est une vraie grande pisseuse donc je suis trop contente. Bah, moi, il y a un peu un truc. Enfin, moi, le truc, c'est que j'aime beaucoup marcher longtemps et des fois, je suis un peu confronté à un truc de genre soit je prends le métro, j'ai tellement envie de pisser, je rentre vite chez moi pour pisser, ou alors je trouve un endroit pour pisser et après je suis libre de marcher autant que je veux. Donc, du coup, je vais pisser dans les chiottes. Là, quand t'as dit j'aime trop marcher longtemps, j'ai eu un truc d'amour pour toi hyper fort. Bien que je l'ai très souvent pour toi, très souvent, mais là, je l'ai eu vraiment plus fort. Moi, je l'ai eu quand il a dit j'adore pisser. Moi, c'est ouais. Je sais pas, en fait, je me vois bien me balader avec lui à 4 ans. Évidemment. Mais les trucs des chiottes publiques parisiens, en tout cas. Très beau moment de débat à l'intérieur. C'est-à-dire t'as vraiment des gens qui mettent des trucs horribles, des gens qui répondent aux trucs horribles par des trucs horribles. T'as des fresques. Moi, et j'ai le tout moucheté de chiasse. Est-ce que c'est pas un petit peu l'état de la France? Et non, alors... mais alors, j'ai bien l'impression. Avec la, tu sais, comme sur les céramiques avec la brosse à dents. Un petit peu de merde que je vais venir moucheter. Après, je viendrai faire une petite engobe à la merde. Hein, on voit que t'as les termes. Ouais, t'as les termes. Comment ça s'appelle le putain? De quoi tu veux faire une cuisson, un biscuit? Non, le truc pour, que... pour coller la barbouille. Ah, la barbotine. La barbotine, voilà. Petite barbotine de chiasse. Barbotine de merde. On va faire un premier biscuit de merde qu'on vient engober. Ah, putain, j'adore. J'adore. Alors, donc c'est pas une application pour les toilettes. Non, d'accord, non, oui. Non, parce qu'en plus là-bas, je pense que tu peux vraiment littéralement faire pipi et caca mais... partout. Bah, y a que des... ça se passe très bien, quoi. Moi, j'étais à Tokyo, il y a des shots publics assez partout. Ouais. Bah, il paraît que c'est propre et tout. Et c'est nickel. Oh, mais j'en parlais dans le dernier podcast. Ce qui est fou, c'est que c'est propre alors qu'il y a zéro poubelle, par exemple. Moi, je me suis baladé comme un con avec mes détritus dans mon sac à dos. Peut-être qu'ils font tout mais ça. Mais ils font quoi alors? Bah, je... ah, peut-être c'est ça. Trimballe, c'est marrant que tu dis ça parce que je suis abonné à des comptes, tu sais, où ils ont des astuces, genre, et c'est que des Asiates. Ouais. Et c'est, ils ont toujours des petites poubelles qui collent avec un scotch quand ils s'assoient dans le train, par exemple. Ah, bah, peut-être. Tu sais, à la fenêtre, oh, wow. ils font ça et ils okay. jettent dedans. D'accord. Et je me disais, tu me donneras ça, les comptes. Mais là, j'ai découvert un compte qui, pour moi, est très compliqué. Je suis en train de faire des travaux dans un appartement où je me dis vraiment, et donc là, on va faire ce truc-là qu'on va coller là. Ça n'existe pas en France. Je suis genre, ça existe là-bas. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Mais non, très peu de poubelles. Beaucoup de plastique, Tokyo. Par contre, non, je crois. C'est tout est emballé dans du plastique. Oh là, ouais. Terrible. Et puis, pour rien du tout, des fois. C'est, ouais. Là, j'ai acheté des figurines parce que tu es un mec de 35 et 33 ans. Ouais. Ils sont déjà en plastique elles-mêmes. Donc, déjà, c'est une boîte en plastique. Et ils te le foutent dans un plastique pour le foutre dans un sac plastique. Ouais. Ils disent, non, ça va aller, ça va aller. Ouais. Mais vous trouvez pas ça, genre, désespérant quand tu voyages un peu loin et tu te dis, genre. Mais en fait, ça sert à rien ce qu'on fait. Bah, au States, ça m'avait fait ça, moi. Les États-Unis, genre, nous, on était à San Francisco avec Cédric, et genre, la ville la plus green des States, on a fait, bah, y a pas. Ouais, sur les sacs plastiques en course, c'est dingue, au States. Bah, c'est plein de petits. Y a une pomme qui est pas emballée, quoi. Ouais, vraiment, c'est une pomme, quoi, les gars. Donc, c'est une pomme de. Oui, c'est vrai, de 15 cm de diamètre. Mais franchement, on était trop choqués. Et pourtant, on était à San Francisco, vraiment. Oui, oui, oui, bien sûr. On était genre, la ville des hippies. Ouais, c'est fou, tu vois. Et non, des Krakos aussi également. Enfin, oui, aussi, oui, oui, bah du mais qui trie les déchets, cela dit. Le nom de la ville, merci. Putain, oh l'absence. C'est réduit à 5 ans le ChatGPT là. Donc, non, l'application. Mais c'est oui. des applications qu'on trouve également en France. Hein. Attention, pour mais là, le truc, c'est que c'est la mairie de Tokyo. Dans les transports, pour se déplacer? Pas dans les transports. Pour la sécurité? C'est pas un truc aussi, pas pour la sécurité. Aussi commun. C'est un truc assez commun. Enfin. De moi météo, j'en ai pas mais... de pollution. Pas pollution. Est-ce que, non, c'est, est-ce que c'est dédié à tout le monde ou juste à une partie de la population? Plutôt une partie de la population. Les femmes? C'est pour femmes, hommes, peu importe. Oui, les vieux? Pas forcément. Enfin oui aussi, mais pas. À qui veut trouvera un karaoké dans le coin? Alors non, ce n'est pas ça. Non. Sachant que ça partout, il y en a. Des gens dépressifs. Pas les gens dépressifs. Mais c'est un truc, il faut trouver un truc. Une appli pour trouver des gens dépressifs. Non, non, mais pas. Si t'es dépressif. Comment on les réinstalle? Non, mais tu sais, il y a un peu un problème de suicide au Japon. Donc ça pourrait être un truc genre, si tu vas pas bien, t'as un endroit le plus. C'est le endroit le plus proche. C'est un problème de suicide au Japon, c'est pas en Corée, c'est au Japon? Au Japon, je crois que c'est un problème. Mais je crois, c'est lié à un problème qu'il y a en ce moment au Japon, en tout cas. Des tremblements de terre? De santé? Pas de tourisme, pas de tremblements de terre. De santé? Pas de trucs de santé. Les trucs Hiroshima Non, pas lié à des catastrophes nucléaires. Pas de... c'est sur le bien-être? Pas vraiment. Les air spa, il y a une liste de air spa hyper top. Non, mais c'est un truc dont on a entendu également parler en France, ce problème-là. Genre le Covid? Pas le Covid. Mais c'est pas un truc de santé, c'est pas un truc de santé. Pas un truc de santé. Notre président en a parlé. Internet? Pas Internet. Alors attends, la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, là ça serait très récent. Une appli pour dissoudre l'Assemblée. Ouais. Ça, tu votes, c'est tout le monde vote, allez, c'est bon. Et en même temps, voter avec le téléphone, oh là là. Ouais. Mais pour eux, c'est un truc nouveau. Ou pas du tout? En fait, encore une fois, c'est une appli pas totalement surprenante ou folle. Ouais. C'est le fait que ce soit la mairie de Tokyo qui la mette en place. Est-ce que c'est sur le harcèlement? C'est sur de harcèlement. Pas le harcèlement. Non, donc c'est pas un truc citoyen en fait. C'est pas ça, vraiment, truc. Pas du tout. Ça doit être un truc genre. C'est la l'écologie, ramène, sur quoi. L'écologie, non? Non, même pas. Non, pas écologique. C'est artistique, c'est culturel. Pas artistique, pas culturel. Enfin, cherchez. Quand on dit, je télécharge une appli, il y a des applis de quoi? Simplement, une appli. Réseau de social de productivité. De VTC. Pas VTC, de... pas réseaux sociaux, on s'approche. Messagerie. De... Non. Bouffe. Non, pas bouffe. Pas messagerie. Pas vraiment messagerie. Il y a de la messagerie dans cette appli, mais c'est pas ça que je cherche. Est-ce que c'est pour dénoncer des incivilités, non? Non. Réseau social. C'est une sorte de réseau social. Voter contre le vote. Ah, les boîtes aux lettres, c'est des boîtes aux lettres en fait. Pas des boîtes aux lettres. C'est pas un vote, c'est pas. Pour s'envoyer des mots. C'est une appli qui était très en vogue il y a quelques années et que des gens utilisent encore. Vine, ouais. Pas Vine. Attends, une. Facebook. Pas Facebook. Une appli qui était en vogue, MySpace. Non, c'était une marque qui était très connue. Et là, en gros, c'est... je vous donne une marque connue de l'application qu'on cherche. Là, c'est pas cette appli. Attends, une marque connue de l'application qu'on cherche. Souvent, j'ai rien compris, moi. Bah, parce en fait, que l'appli deal avec des marques. Non. C'est-à-dire que. C'est te donne un exemple qui, en fait, était un truc à la mode il y a longtemps. Une sorte d'appli. J'ai l'impression que tout le monde en parlait il y a quelques années, un peu moins maintenant, mais ça existe toujours. Okay. Et là, le Japon va la lancer. Oh la vache, on est encore plus perdu. Ouais. Non, attends. Pourtant, j'étais super clair. Les auditeurs ont trouvé ça. Non, mais bien sûr. Non, mais on est perdu tout le parce monde, qu'on est nul. Jeune, vieux. Ah ouais. Bah, jeune, faut avoir 18 middle, ans. Oui. J'imagine. Ah, un truc de rencontre Tinder, genre. Très bonne réponse, Adrien Méniel. De la mairie de Tokyo. Tokyo, alors c'est une application de rencontre parce que. Il y a une chute de la natalité. Ah, et bah oui, coupes. Tu m'étonnes. Ah, voilà. Oui, donc le réarmement. Macron en avait parlé également. Mais il avait dit Macron, le réarmement démographique. Mais bien sûr. Le gouvernement métropolitain de Tokyo va lancer cette année sa propre application. Taré à la tête de l'État, je rappelle. Et ça ressemble à quoi? Alors je sais pas trop, ils le sortent cet été, j'imagine que c'est un truc comme Tinder. Pour s'inscrire, les personnes devront fournir des documents prouvant qu'ils sont célibataires d'un point de vue légal et signer une lettre déclarant qu'ils cherchent une âme sœur pour se marier. Donc c'est quand même très matrimonial. C'est pas pour la baise, c'est pas un plan cul. Tu peux trouver des profils de gens avec qui tu vas faire un enfant. C'est ça. Mais c'est complètement. Oh waouh. C'est fou, hein. Une application de rencontre de. C'est bizarre. Une application de rapport. Il faut savoir que déjà les applications de rencontre au Japon exigent souvent de déclarer ses revenus également. C'est dans un pays vraiment de. Ça en France c'est tabou. De toute façon, on n'aime pas les gens riches dans ce pays. Donc nous avons appris que 70% des gens qui souhaitent se marier ne participent pas à des événements de rencontre matrimoniale par exemple ou ne sont pas sur des applications de recherche d'un partenaire, a déclaré mardi à l'AFP un responsable du gouvernement. Nous voulons leur donner un petit coup de pouce avec ce nouvel outil qui est actuellement en phase de test. Il n'est pas au Japon que des mairies organisent des événements effectivement de rencontre matrimoniale. Très c'est altruiste du coup. Mais parce qu'en fait il y a une timidité qui se passe au Japon. Les gens se rencontrent pas facilement. Il y a une pudeur, et puis surtout, il y a pendant très longtemps, je crois que l'idée c'était quand même que quand la femme avait son premier enfant, elle avait pas vraiment le lien avec le mari après, ce qui était fou. Ouais, je sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont manger seuls le soir au Japon. En fait, ils font plus partie du foyer comme avant. C'est un truc dont parle ce youtubeur Tev, je crois. Je connais lui, pas. Il est un mec qui vit au Japon depuis des années et qui raconte que lui avec sa femme c'est différent, sa femme est japonaise. Mais donc, il en parle et par opposition, il explique qu'en effet, souvent ça arrive quoi. Les femmes elles gèrent pendant même très longtemps, elles ont donné de l'argent de poche à leur mari. C'est-à-dire c'est elles qui tiraient l'argent et elles disaient l'argent qu'ils gagnaient. Tu as le droit à tant par mois. Et du coup eux ils sont vachement vers l'extérieur quoi. Donc en fait c'est vrai qu'aujourd'hui être en couple au Japon, je pense qu'avec toute l'ouverture au monde et la visibilité que c'est d'être dans un autre couple d'une autre forme à l'extérieur, ça doit être hyper dur pour les Japonais de se dire je veux un truc tradi de l'époque où tu vois, il faut que je fasse un enfant et de toute façon si je fais un enfant ça veut dire qu'après moi je vais être à la maison et que lui il va être au travail, enfin c'est horrible quoi. Mais c'est j'imagine truc... hein, mais en tout cas mais c'est un truc qui plaît pas trop en tout cas aux gens qui vivent à Tokyo, comment on Tokyo appelle les Tokyoïtes. Est-ce que le gouvernement devrait faire ça avec nos impôts? Première question, comme quoi les Japonais sont pas si éloignés de nous, tu vois, c'est mais c'est vrai qu'il y a un vrai déclin du taux de mariage au Japon. Qui est du coup le facteur clé de la chute de la natalité dans le pays. Comme les naissances hors union légale, il reste extrêmement faible, autour de 2%, noté un rapport de l'OCDE. Les naissances au Japon ont baissé l'an dernier pour une 8e année consécutive et leur chute a été sévère, moins 5,1% sur un an. Et dans le même temps, les nombres de décès de l'archipel a été deux fois supérieur à celui des naissances, donc fatalement, au niveau du travail, mais tout va bien, ça, c'est le bordel. On est 8 milliards, et c'est une petite baisse de natalité dans un coin là. Et c'est à cause de vous, les politicards, si on veut plus baiser. Donc, c'est de votre côté le problème, hein, c'est pas nous. Ah, ça, c'est clair et net. Hein. Vous nous avez enlevé le plus grand cabaret. Baiser, hein. On veut plus baiser. Alors, on parle rencontre. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Voilà. Bah, en parlant de bête. Non, je rigole. Comment on s'est rencontrés il y a 12 ans maintenant, je crois. Waouh! Putain, c'était ça. File. On était à l'aube de notre bébé. Et ouais, on était des bébés. On est tous les deux venus de nos régions respectives, l'Alsace pour elle et la Bretagne pour moi. Waouh, les deux extrémités de la France. Exactement. Et on s'est retrouvés dans un studio au sous-sol d'une école pour faire de la voix off et du doublage dans une petite école. D'accord. Pour apprendre ce métier, quoi, faire la technique. Et on s'est rencontrés là, on est devenus très amis. Coup de foudre amical. Assez instantanément. Non, c'est vrai, coup de foudre amical. Ouais, franchement, ouais, c'est assez... Franchement, il avait son petit attaché case, il était trop marrant. Et tout de suite, je me suis dit, ah ouais, en fait. Docteur Salin. Docteur Salin. J'ai lu tout de suite. Un stéthoscope et tout. Mais c'est marrant, il n'y avait pas du tout de. Je ne me suis pas du tout dit ça sur le moment, mais c'est juste que c'était hyper naturel. Quoi. De... On est devenus très amis tout de suite et voilà. Oui. Après, en fait, je me rappelle qu'on s'est retrouvés à la récréation. On avait 15 minutes de pause. J'ai dit guillemets parce que. Bien sûr. En faisant le geste. Toi, tu dis guillemets aussi. Ah, non, j'ai dit guillemets. Tu dis guillemets. Ah bah, moi, je suis le seul à dire guillemets. Toi, tu crois que c'est parce que c'est une erreur. Mais ça doit être lié, Cédric. Non, d'ailleurs, toi, tu dis entre grosses guillemets, alors que guillemets, c'est masculin, si je peux me permettre. C'est vrai. Voilà. Adrien, reprends sur la conjugaison et la grammaire à chaque épisode. J'aurais pu le faire en guillemets. Non, mais c'est vrai, mais moi, j'ai plein de merde comme ça. Moi, je dis Gilmore Girls, personnellement. Souvent, je dis vrai. Et même quand je dis tout le temps comme à l'accoutumée, je crois que ça ne se dit pas. Ah, pas sûr. Je crois que ça se dit pas trop. Je sais pas, j'en sais rien. Oh, ça se dit. Donc, vous étiez dans l'école de voilà, et on n'était pas exactement dans la même classe, mais on s'est retrouvés. On avait les mêmes cours, quoi. Instantanément, tout de suite. On s'est posé sur des tabourets hauts d'un bar et puis on s'est regardé, on a rigolé tout de suite. Et je me rappelle de ça, et après on est devenus très amis. Très amis, ouais. Je trouve ça génial, les amitiés qui naissent autour du rire et du plaisir. C'est Eric et Ramzy qui souvent racontent leur rencontre, et à chaque fois j'adore entendre cette histoire. Ah ouais, c'est Eric qui dit de la merde et Ramzy qui pleure de rire par terre, quoi. Ah bah ouais, c'est ouais, vraiment. Ouais. Et je trouve ça trop mignon. Non, c'est trop drôle. C'est trop bien. Nous, ce rock, c'est vraiment, il n'y a jamais eu de. D'ombre au tableau, hein, si je puis dire. Eh bah. Attendez, c'est le début, attendez. L'histoire des duos nous ont raconté qu'il y en avait, ça arrive toujours un petit peu mal. Mais je pense qu'on fait des bons calculs d'émancipation, tu vois. Genre, là, Cédric, il va faire son premier spectacle tout seul. Oh ouais, ça va dropper du scoop, là. J'ai droppé l'info. Elle a droppé. Écoute, non, mais... c'est en chantier. C'est un bon chantier, tu vois. Donc, je pense que c'est un bon calcul parce que, en vrai, enfin, c'est même pas un calcul, mais en gros, je pense que c'est pas mal de. C'est la suite logique. Ouais. Oui, grave. Ah ouais, chacun. Mais sachant que dans le spectacle Ça passe, qui est disponible, je le rappelle, sur l'application Canal+, tu joues dedans. Tout à fait. J'ai eu cette chance, hein, cet honneur, hein, que Laura m'a fait de mettre une petite place, hein, sur scène. C'est génial. Et j'ai je vais faire des très politiques. Hein. Reprise, effectivement, je reprends le rôle puisque la pudeur me gagne, donc je commence à. Bien sûr, on les connaît. Voilà, non, c'est vrai, ouais, on a. Ouais, j'interviens à des petites reprises. Voilà. Ouais, c'est bien. Et ça paraît, ça s'est fait naturellement. Parce que c'est pas une idée qui paraît. C'est Laura qui m'a proposé. Je me rappelle, on était en écriture et. Bah, moi, je voulais vraiment qu'il ait une place dans le spectacle, mais parce qu'en plus, ça me faisait hyper rire. En plus, Cédric, il était dans un moment où il réfléchissait à ce qu'il voulait faire. Et il a eu des moments où il disait non, mais je crois que je vais faire de la prod. Et puis après, il disait non, mais je crois. Et moi, je me disais non, tu vas vraiment juste jouer parce que t'es trop marrant. Et vraiment, je lui ai dit ce serait trop marrant que tu viennes pour dire que tu veux pas être là, quoi. Que toi, c'est pas ton taf et qu'en fait, toi, t'as pas du tout envie d'être là. Et en fait, il est tout le temps là. Et enfin, en tout cas, il revient souvent, quoi, pour dire oh, ça vous plaît, ouais, super. Il y avait un peu un prof de théâtre comme ça qui était très marrant et donc on l'a mis là-dedans. Et puis, franchement, c'était pas les gens qu'on connaissait qui travaillaient déjà, genre Florence, elle nous disait Forestier. Elle dit que le prénom. Aïe, aïe, aïe, le showbiz. Ah, le showbiz. Ah là là. Elle a pas fait ce truc, elle a fait Florence. Je me suis vu faire les giclures de merde sur l'engobe. Là, je l'ai vu, mon biscuit. Et non, et du coup, j'ai dit genre. Elle me disait oh non, mais vous partez entre potes. Et tu sais, j'avais jamais vu la tournée, moi, donc j'avais jamais su ce que c'était. Je l'ai pas du tout fait pour l'emmener en tournée avec moi. J'étais trop contente qu'il soit avec moi. De toute façon, j'aurais trouvé un poste pour qu'il soit là. Ouais. Mais j'aurais Adrien vraiment baillé. Pardon, je suis en pleine allergie là. Les auditeurs, toi aussi. C'est horrible, hein. Mec, c'est horrible. Je suis en train de chialer. J'ai des bêtes de gouttes si tu veux. Tu prends quoi comme bêtes de gouttes? Je prends rien là. C'est ton projet de paix, Laura. Bêtes de gouttes, c'est trop. J'ai des bêtes de gouttes. Non, mais tout va bien. Ok, je comprends. Donc oui, la tournée. Non, ça va. Après, quand je baille discrètement, on peut plus le relever, quoi. Oui. Tu pleures, Adrien. Adrien, t'es fait un malaise là. Les allergies et les élections. Mais Forestier, en plus, je crois qu'elle est pas, enfin, elle est pas fan de tourner. Le spectacle, elle aime ça, mais tout le délire tourner, c'est pas son truc. Donc c'est cool d'y aller. Bah ouais. C'est vraiment très dur et c'est vrai. Très solitaire. Seul. Nous, on se rend compte à quel point ça doit être seul parce qu'on l'a fait à deux là. Ouais. Et à quel point c'était bien. Et à chaque fois qu'on faisait des trucs, on se disait. Ouais, putain, on s'en est vraiment plus rendu compte quand on a souffert, quoi. C'est-à-dire que quand on a commencé à dire, là, on n'en peut plus des 5 villes par semaine. On s'est dit, et encore, on en profitait même pas tant parce que franchement, on était là, on se levait, on allait faire notre truc, on revenait. Et en soi, c'était beau. T'allais jouer, t'allais dans des salles super, tu rencontrais des gens et tout. Mais en fait, ça, c'était une heure et demie de la journée. Le reste autre de la journée était difficile juste au niveau du rythme, de la fatigue que ça t'impose et tout. Évidemment. Et c'est là où tu te dis c'est vrai que quand t'es avec quelqu'un que tu connais très très bien, c'est génial. Ça aide. C'est génial. Ouais. Ça aide. Vous l'avez joué combien de fois? Vous l'avez joué pendant 200. Mais en très peu de temps, on n'a pas eu une exploitation de spectacle très longue en fait. Oui. Parce que... Donc les gens, des fois, ils le font sur 3-4 ans. Nous, on l'a vraiment fait sur 2 ans très courts. Donc, Puis vous l'avez joué partout, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment beaucoup, pas mal. Beaucoup de villes, c'est trop bien. De Frémin-Merlebach à à Lyon, à Paris, à Montaigu. Montaigu, j'avais adoré Montaigu. Ah ouais. Mais en revenant de Nantes, t'étais à Montaigu en revenant de Nantes ou pas du tout? C'est toujours son paillard. C'est une référence. C'est la digue du cul. C'est la digue du cul. Voilà. On va s'écouter. On est ensemble jusqu'à 21h. Donc voilà, c'est sur Canal en tout cas. Ça passe. Toi... C'est fini là? C'est fini? Non, on va faire les recommandations culturelles dans très peu de temps. Ah, on va faire des recommandations. Tu évidemment. Sais que j'ai pensé à ça et je suis incapable. Mais c'est la spéciale, je préviens jamais. J'oublie toujours, mais ne t'inquiète pas. Donc, oui, ça passe, c'est sur Canal. Là, l'idée, Laura, c'est plutôt de jouer dans des films, j'ai l'impression. Ou en tout cas, tu travailles pas sur un prochain spectacle tout de suite? Non, pas là. Et j'ai hâte, mais c'est pas du tout maintenant. Et oui, là, je tourne. C'est ça. Ouais. Je le dis aux gens, vous allez l'avoir pas mal, la Felpinos dans les prochains. Je pense que vous allez avoir plein de cul la Felpinos. Non, pas plein de cul, non, au contraire, c'est trop cool. Après, n'oubliez pas que la Felpinos, là, c'est un chien à part, toi. La Felpinos, à un moment donné, elle s'est dit, est-ce que je vais faire de l'humour ou pas? on prend tout. Non, je rigole, non mais il y a plein, il y a plein de... On a des murs porteurs. Non mais il y a plein de projets super. Moi on va pas, il y a plein de trucs dont on va pas parler tout de suite, mais il y a des trucs super chouettes. Je suis hyper contente, mais vraiment je pense que l'année prochaine entre décembre et mars vous aurez votre quota. Mais ça, c'est des trucs que tu choisis pas, c'est tout arrive dans les roues. Mais du coup vraiment les gens vont faire genre d'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé. Moi c'est drôle parce que en ce moment je fais des petites interviews pour les promos et tout, puis les gens font vraiment et alors bientôt le cinéma, et dans ma tête je fais bah ça fait vraiment le 6e film que je tourne. Et je me dis bah oui mais c'est pas sorti, donc l'année prochaine c'est... Et plutôt tu as envie de potentiellement écrire un film? Ouais, j'aimerais beaucoup, ouais. Mais je pense que tout, moi je suis vraiment monotage quoi. Faut que je fasse un film après un film après un film, ouais. Et là je vois plein de trucs, je suis tellement contente de rencontrer des équipes où je me dis déjà mais c'est sûr qu'elle ce sera mon habilleuse, que lui ce sera mon et en fait c'est juste que j'ai vraiment besoin de m'ennuyer un peu moi dans la vie pour écrire, donc bah, là, faut vraiment que je me fasse chier un moment pour me dire ah je vais faire ça. Mais ça fait sinon, partie du processus hein, souvent ouais, hein, mais fait... du coup il va falloir quand même laisser 2-3 mois de, tu vois, enfin va falloir qu'il se passe rien un moment quoi, ce qui n'existe pas depuis quelques temps dans ma life, mais c'est pas grave une fois. Mais c'est ce que tu dis, après tu rencontres plein de gens, ça nourrit, en fait moi je trouve je vois toujours ça comme un espèce de truc où tu fais ton marché de plein de choses. Ouais, exactement. Et après il faudra un peu de temps pour faire mais ta cuisine, je serais pas quoi, étonné mais... que mon premier film se fasse quand j'aurai 40 ans quoi, tu vois, enfin, ouais, bah, c'est... Pas, quoi. C'est déjà très bien, bien sûr. Et regarde De Funès, tout le monde dit ça tout le temps, regarde De Funès, il a commencé vieux quoi. Quand tu mets du temps à percer, on te parle beaucoup de De Funès. Je confirme. On te parle moins de Jordi, ouais. Ça c'est sûr. Il y a rien de Funès à 40 ans, t'as quel âge toi? Regarde Christopher Waltz. Ouais, c'est ça, toujours. Oui, là, ça doit être à au moins 40 ans le théâtre, je pense, un truc comme ça. Ah ouais, putain, facile. Ok, d'accord. Ouais, okay. Ouais. Après, quand il était connu, c'était vraiment 60 piges minimum. Ah bon, ouais. De Funès, 60 piges. Bah, quand il a vraiment percé au Cinoche minimum, je pense. Ah ouais, pas compte du tout. Bah, dans le petit. Moins que ça. Bah, le grand restaurant, je pense que c'est un des premiers gros, et déjà, il est un peu vieux. Je sais pas, parce que. Ah ouais. J'ai l'impression. Oh, il a vérifié. Putain, j'ai rematé Le Petit Baigneur. Qu'est-ce que c'est bien. Franchement, De Funès, ça vieillit. Ben... Ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que lui ne vieillit pas. Tout le film vieillit autour, souvent. Mais lui, pas quoi. Et lui, vieillit pas. Lui, c'est dingue. Le Petit Baigneur, t'as des gags vraiment, mais ringos, horribles. Ouais. Mais lui, dedans, mais tu pourrais le mettre dans un film d'aujourd'hui, ça, avec le même jeu, ça bouge pas quoi. Voilà, un petit chalot à De Funès, n'hésitez pas à regarder, petite reco. Cédric, oui. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à faire avec nous? Alors, je le rappelle, hein, ça peut être. Un livre, un film. Voilà, une pièce de théâtre. Écoute. Un truc que vous avez vu récemment, et qui est pas forcément un truc récent, juste un truc que vous avez vu récemment et que vous avez kiffé. Oula, je sais pour Cédric, mais. Quoi? Bah vas-y, dis-moi, parce que je moi dire, je. Le concert de la Star Academy. Ah oui, oh oui, mais ça c'est hors champ, c'est hors tout, c'est hors effectivement. Tout. C'est hors champ. J'ai assisté au concert de la Star mais Academy. Mais en live ou à la téloge? En direct sur TF1 toi, en à Bercy, j'étais dedans et je peux vous dire que c'était. Exceptionnel. Ah ouais? Vraiment. Mon enfant intérieur a ressurgi d'une manière très inattendue pour moi. Ah ouais? J'ai adoré voir toutes les surprises. Alors, il y a eu du Jennifer, du Eddie DePreto, du Vita, du Maël, qui a eu encore. Mais des trucs dans tous les. Nikos est passé vraiment à ça. Il m'a frôlé. En fait, c'est. On est. Ouais, là, il on faut. A senti, faut... Hein. Il faisait la sécurité au concert. Oui, oui, rappelons qu'il adore la bagarre. Hein. Il est très fort à la basse. La bagarre! Non, c'était très drôle. Et le feu! Ouais. Mais ils étaient trop forts. Mais je suis fan très premier degré de cette émission, très fan premier degré et de concerts, cette saison et, du coup. Et de cette saison qui ah, était t'as folle. Suivi cette et saison. Les candidats, je les ai trouvés très très forts. Ah ouais. Très très forts dans, tu le, peux dans le dire leur en concert. Nico, ils étaient très très forts, ils étaient performants. Djibril, Candice, Axel, Julien, Pierre, mesdames, messieurs, Pierre, allez-y! C'est vrai qu'il expire beaucoup, il expire non, énormément. Ouais, ouais, il expire énormément, il part dans des envolées. Dès qu'il lâche le prompteur, il est baisé. Ouais, quoi, c'est. Pierre qui nous chante le titre de Charles Aznavour, La Bohème, et qui se laisse aller à ses émotions en direct, et qui brûle le feu à l'intérieur de son âme et le retranscrit au spectateur. C'est ça, la Star Academy, mesdames, messieurs. Voilà, c'est ma passion. Nikos, vraiment, je t'admire. Bah oui, bah, d'abord. Je voudrais te rencontrer, Nikos, je ne te rencontre pas. Et... Mais il faut toute une tournée, okay. Je crois, de la Star. Ça va arriver, ouais, ça mais va là, arriver. Ils ont bientôt fini. Ils ont bientôt fini et je pense qu'ils vont aller clamser après ça. Parce que vraiment, je pense qu'ils n'en peuvent plus de faire des zéniths dans tous les sens. Ils ont... ouais. Je vous embrasse, cher candidat de la Star Academy. Si vous nous écoutez, je vous embrasse très fort. Le gagnant, c'est genre une gigastar. C'est Pierre Garnier. C'est ça, j'en ai entendu parler alors je connais rien. C'est genre une gigastar. Ouais! Une Gigastar Academy, évidemment. On va en écouter Sum 41 ensemble, là. C'est vraiment Gigastar, non? Ouais. Gigastar, ce man. Non, mais moi, je suis à la ramasse totale. C'est marrant, j'ai de la nostalgie, moi, pour les trucs de la Starac et tout, alors que je regardais pas. C'est vraiment juste, ah ouais. Ça me rappelle des trucs où rappelle je voyais des gens heureux. Des états émotionnels de l'époque. C'est ça, exactement. La jeunesse, tout simplement. Moi, ça me rappelle, hein, quand j'étais enfant. La jeunesse, tout simplement. Ouais, oui, voilà. Oui, voilà, ouais, effectivement, c'est un bon. Mais à l'époque, j'étais vraiment même le connard qui dit eh, c'est de la merde. Justement, j'écoutais Sum 41. C'était genre, eh, oh, c'est nul, c'est de la soupe. C'est pas de la musique. Eh, c'est, franchement, c'est pour faire plaisir aux meufs. Ça, pour moi, c'est commercial. Grave. Moi, j'avais un sac. où j'avais écrit genre Otipex anarchie et derrière j'avais écrit donc c'est quoi Follow the Leader de Korn ou Slipknot. Bien sûr, Follow the Leader de Korn. Ouais, jamais entendu un seul morceau de ces groupes. Ouais, bien sûr. Faut quand même bien le savoir sûr. Et derrière j'étais à la maison genre ah mon soeur jumeau. Si les gens savaient. Donc voilà, la tournée, enfin le concert de la 5 Académie, qui est en replay sur TF1, je crois, j'imagine. Oui, doit très, être, certainement, visible, très certainement. Voilà. Magnifique. Toi, Adrien ? Moi, j'ai deux recos. Oh là là. La première, c'est le spectacle de David Castello-Lopez que oui j'ai eu la chance d'aller voir. Je l'ai vu exactement. À l'Olympia. Très, très là, bien aussi. Et vraiment super. C'était vraiment très marrant. Mmh. J'ai ouais vraiment. Mmh. Et au-delà de très marrant, c'est que je me suis dit ah mais oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi parce que c'est ouais un truc où il y a beaucoup de. C'est un autre y a de format. La vidéo, il y a une coupure, enfin ouais un peu. À toute proportion gardée, un peu ce qu'on avait fait avec le Floodcast où t'as une coupure, t'as des pubs sur l'écran ouais et puis après ça revient et tout. Je crois qu'Alison Wheeler, j'ai pas vu son spectacle, a un truc un mais peu oui comme ça ah aussi. Oui, je crois qu'elle joue avec oui, oui, les écrans. C'est chouette, c'est chouette. Et ouais. Non, c'est très, très inspirant, très drôle, très intelligent aussi. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça super. Mm. Okay. Donc allez, voilà, si vous n'êtes pas allé le voir, je pense, bon, il fait le Zénith dans un an. Ouais. Bah, oui, c'est vrai, il y a le temps. Mais je pense qu'il doit faire d'autres dates ailleurs d'ici là, voilà. Et sinon, c'est vrai que c'est vrai. Attends, je me permets juste de rebondir. Non, mais c'est vrai que c'est super parce que je trouve qu'en ce moment il y a vraiment une pluralité. Alors, est-ce oui que c'est parce qu'on a le nez dedans, j'en sais rien, de spectacles. Il y a plein de ouais choses différentes ouais dans ouais le monde. On ouais peut s'émanciper des formes et faire ce qu'on c'est veut. C'est incroyable, mais c'est vrai que vous aussi, vous jouez avec l'écran. Toi, tu arrives à un moment. Enfin, moi, je me souviens, oui, c'était oui vraiment la première fois que j'ai vu votre spectacle. Moi, je l'ai vu au tout début. Ouais, ça c'est passe. Vrai, sur une chaise. Ah ouais. Sur une chaise infâme. Mais vraiment, j'avais été surpris par la forme. Le fond était génial et le jeu et tout ça. Mais la forme, je m'étais dit, ah, mais oui, c'est vrai que c'est ça oui aussi le, sur scène. On peut faire ça. Il n'y a pas que le stand-up. C'est ça, déjà, faire des personnages, effectivement. Mais même avec jouer avec l'écran. À un moment, tu arrives costumé. À un moment, il y a l'écran, il se passe des choses. Enfin, tout ça, je trouve ça génial et ça. Oui, ça de ne pas s'empêcher de ça et de ne pas être dans une forme hyper ouais, précise. Quoi. C'est ouais ça. Et ouais en même temps, à côté de ça, tu as du stand-up pur, donc, micro, du jeu, machin, oui, et qui est tout, voilà, et qui est tout ça. En France, je trouve ça mortel. Il ouais enfin, y a vraiment plein de choses très différentes. Ouais, ouais, mortel et giga mortel. Même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais mon pote, c'est. Et giga ouais, coolos pour moi. Ouais. Non, et une autre mini-reco, c'est un site Instagram. Un site Instagram. Oh là là. Un compte Instagram. On a tous 1200 ans. Adrien, le vieux. Adrien, le vieux pépère. Non, un compte Insta, ça s'appelle. Alors, c'est Easy Book Design, mais c'est EZ.bookdesign. Ouais. Okay. Et c'est juste un gars dont le métier, c'est de designer des couvertures de livres. Oh, génial. Et donc, okay, il montre, genre, il fait 4 versions de d'une couverture de livre. Après, okay, il montre celle qui a été retenue et tout machin. Ouais. Et genre, c'est trop beau ce qu'il fait. Et voilà, moi, je trouve ça ah super. Ah, si, voilà, attends, j'ai une reco, pardon, parce que tu parles de dessin. Ah, bien sûr. La série Samuel sur Arte, mais je crois ah que j'arrive ouais 4 ans après tout le monde. Non, mais c'est je l'ai bien, vu c'est et elle bien est vraiment sublime, cette super série. Ouais. Ça a été la reco de. Non, non, pas du tout, tu m'as pas du tout coupé. Mais oui, il y a quelqu'un qui l'a recommandé récemment, je sais plus. Mais c'est sur Arte. Oui, c'est sur Arte. C'est pas Morgan Cadignan qui l'a recommandé. Peut-être Arte.tv ou peut-être oui, le exactement site YouTube d'Arte. Ou sur YouTube. Tout sur est sur YouTube. YouTube. Tout ou est sur YouTube. Ok, ouais, super. Voilà, effectivement, c'est un dessin animé sur l'enfance. Voilà, on exactement. Ça mais sur la période qui n'est pas l'adolescence, mais qui n'est pas non plus la jeunesse de 7 à 7 ans. Ouais. C'est vraiment l'entre-deux. Très ado, 11 ans, ouais, tu quittes le primaire pour aller au collège. Et ouais, voilà, exactement. Et ah, un truc. Et la personne fait quasiment tout toute seule de ce que j'ai oui compris. Elle fait toutes les voix, elle fait les voix, enfin en tout cas elle fait la voix de Samuel. Samuel ouais. Ouais. Et ouais ouais. Non bah voilà, et c'est vachement mais il paraît que c'est vachement. Moi j'ai ouais pas encore vu, j'avoue. J'ai pas tout vraiment vu moi, je crois que j'ai un peu vu dans le désordre, donc il faudrait que je me remate tout. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir rebondir sur une reco que tu avais fait il y a longtemps Adrien, mais le film était en piratage illégal, à savoir Blackberry. Et bah, il ouais est sur Paramount Plus, ah, qui est sur Cage. Je l'ai maté ce week-end et c'est vachement bien. C'est bien, hein, ouais, oui, c'est très, très bien. Ah ouais, c'est sur la création du Blackberry. Ah. Création et la chute et du la Blackberry. Chute, parce que moi, j'adore en fait les films genre d'entrepreneuriat, ouais, de machin, les mecs qui disent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi j'adore ça. Moi aussi. Et là, hein, c'est vraiment ça, les mecs qui. Et surtout dans le domaine de la tech, parce que c'est ouais un petit peu mon domaine ouais que j'aime bien. Oui, mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est pas relou. Moi qui n'y connais rien, non, le côté tech, je crée un portable et tout, c'est très facile d'accès. Le genre est particulier parce que c'est assez marrant, mais c'est pas une comédie. Enfin, c'est non vraiment une success okay story. Oui, okay, c'est beaucoup d'acteurs de comédie qui sont ah dedans. C'est ça qui est fou. Il y a ouais le mec de It's Always Sunny in Philadelphia. Jeba Rochelle. Ouais. Ouais, ouais. Et non, c'est vraiment bien. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que tu connais un peu que l'histoire. Oui, c'est ouais que le tu vois que là, nous tous, on n'a pas un Blackberry. Donc t'as un peu hâte de voir ce qui va se passer. Et oui, c'est... sans spoiler, il y a la scène où il découvre la première présentation de l'iPhone. Ouais. Il fait la merde, ça marchera jamais. Qui est une des meilleures scènes du film. Enfin, c'est génial. Y a même pas okay de clavier, trop nul. Ça Ouais, mais c'est vrai que les films d'entrepreneurs, j'aime beaucoup aussi. Il y avait eu un film aussi. Et après, Steve Jobs, hein, de nouveau, avec des éclaboussures de merde. Comme ça. Pardon, je reviens là-dessus, excusez-moi de déranger, mais vraiment. Non, mais c'était comment R. Je suis sûr que le film doit pas être un chef-d'œuvre, mais moi j'avais adoré R. Alors là, la petite particularité, pas c'est Michael que. Jordan. Non, mais c'est que c'est surtout assez faux par rapport à la réalité, ce film. Ouais. D'accord. Quand tu vois les témoignages de Michael Jordan, il. Oui. En interview, il dit que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ok, d'accord. Mais ça reste cool. C'est un bon film quand même. Ça reste un bon film. Est-ce qu'on est forcément dans l'absolu, nécessité de la vérité? Bon. C'est sur Insta que j'ai vu ça récemment. Il y a un graphique qui a été fait sur les films inspirés d'une histoire vraie. Ok. Et à quel point ils respectent la vraie. Ah ouais. Et c'est vrai que t'as des trucs où genre oui bon bah il y a 20% de vérité. C'est vraiment dingue. Sur Disney Plus, il y a un film réalisé, j'ai regardé que le début et j'ai trouvé ça à chier et j'ai arrêté, mais réalisé par Eva Longoria sur, non, c'est pas sur vrai. La création des je veux pas dire les Flaming Hot putain les nachos quoi, pimentés ah oui quoi. D'accord. Et où c'est où, et c'est genre numéro, là, tu veux dire, les, de quoi les tortillas, les... ouais mais un truc sur les curly non mais c'est ça, mais sur la version genre pimentée quoi, Flaming Hot Cheetos je crois, pas Cheetos je crois, enfin, en tout cas ça s'appelle Flaming Hot, voilà, le Flaming Hot. Et c'est après, soi-disant, prétendument, genre un mec qui bossait dans les un manutentionnaire quoi, de la boîte, et qui a dit si c'était pimenté, et genre soi-disant, comment il a dit si c'était pimenté. Bah, c'était le père Froisse, hein, ils ont dit génial piment. Bon, bref, voilà, et c'était assez nul à chier, mais parce qu'en gros moi il y a un moment j'avais dit à des gens recommandez-moi des films genre d'histoire d'entrepreneuriat, et tout, on m'avait recommandé ça, pas terrible, mais c'est marrant parce que quand je matais Blackberry, je réfléchissais. En France, tu ferais quelle marque? Il y en a une en tête, lui. Je m'en fous, je le dis. Oh. Minitel. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La création du Minitel. Évidemment. Où on était quand même premier sur la tech dans le monde pendant un moment avec le Minitel. Ouais, c'est clair. Vraiment... Et alors, c'est vous êtes tout. Hey, oh, à l'étranger. Nous, on a fait le Minitel, bande de cons. Je sais pas si c'était nécessaire, mais je trouve que c'est. Si, mais t'es cassé. Pour le rayon de moi, t'es cassé dans mon film. C'est un casting, Laura, t'as envie d'être dans le film. T'es cassé dedans. Tu joueras Dorothée. Tu rigoles, mais moi je voulais faire un film sur le Club Dorothée. Parce que quand tu regardes. Pourtant, je regardais pas du tout le Club Dorothée, je m'étais intéressé aux coulisses qui sont dingues du Club Dorothée, parce qu'en fait, c'est que des anciens. Toxico, pas toxico, mais c'est des fans de l'époque rock'n'roll. Enfin, Corbier. Corbier et compagnie, c'était. Bon, partouzeur, on peut le dire maintenant. Non, mais genre, très gros baiser. Non, mais t'avais un mélange étrange. T'avais Cabu, enfin, t'avais un mélange de plein de choses très différentes. Et c'était l'émission numéro 1 et qui faisait toujours débat dans la politique française. Arrête. T'as eu plein de débats. T'avais évidemment Ségolène Royal qui disait que c'était le Japon qui nous envahit. Quel survivant, la violence. Exactement, la violence des dessins animés. Et en fait, ça reste des gens de 40 ans qui faisaient « Salut les enfants, comment ça va ?» Et en gros, t'avais tout un truc politique. Et moi, déguisé en Asie parfois. Il y a un extrait du Club Dorothée où t'as Jackie qui est déguisé en Asie. Ouais. Elle est en train de danser, tu fais « Oula !» Et ils réglaient leur compte avec des gens qui se foutaient de leur gueule. Genre les musclés avaient fait une chanson contre Antoine Decaune. Oui, parce Antoine que Decaune avait chié sur Dorothée parce qu'elle avait quitté sa mère qui était sur Antenne 2. Bref, un bordel. Et en fait, t'as plein d'histoires dans le Club Dorothée. Et en même temps, tout est dans un truc pour enfants. Donc je trouve ça en comédie fou, génial. Tu vois ouais. Et j'adorerais faire un biopic sur le Club Dorothée. Je veux bien faire Patrick Simpson Jones. Je peux me permettre. Le mec que tout le monde a oublié. Non mais voilà, bon bref, j'avoue, on très est... bonne idée. Mais c'est ça. Mais ça, c'est comme Balavoine, je comprends pas qu'il y ait pas de biopic sera sur Balavoine. Moi personnellement, et Alison Wheeler qui joue à Dorothée. Bah bien sûr, on est obligé. Et pareil, Balavoine, je comprends pas qu'il y ait pas de biopic sur Balavoine. C'est-à-dire que t'as un chanteur. Non mais t'as un chanteur qui est quand même mort à 32 ans, 33 ans, très jeune, donc t'as pas ce truc relou de le faire vieillir, ce qui est des fois un peu compliqué dans les biopics. Et c'est pareil. Oh salut, c'est Balavoine. C'est Balavoine. On est plus vieux que Balavoine. Mais bien sûr, je suis plus vieux que Balavoine. Pas encore, si je peux me permettre pour moi. Encore des belles années devant moi. Avant ce fameux Jordan Bardella qui prend la parole sur son micro, il est à l'antenne. Oh, peu de cœur, peu d'échange, mais beaucoup de structure. Mais non, mais j'en parlais avec ma mère, un petit Vincent Lacoste là, il serait parfait en Balavoine, là. Il serait génial. Super. Il doit prendre un peu de poids parce qu'il avait un petit goitre, hein, Balavoine. Il était un petit peu. Il était bien. Il était en bon point, mais il était. Ouais. Laura Felpin. Ouais. Une recommandation culturelle. Alors, je réfléchissais comme ça parce que j'ai pas réfléchi en amont, mais hier j'ai vu Memory. Ah oui, d'accord. Avec Jessica Chastain et je sais plus comment il s'appelle ce monsieur. Je vais te dire ça tout de suite. J'ai oublié. Qui a eu la création d'une interprétation masculine de jeu. C'est un film d'entrepreneuriat aussi. Ce jeu de société. Attends, mais c'est incroyable, tu oublies tout. Tu oublies tout. Alors tu vas faire quoi? Tu crées un jeu pour que... Et pourquoi pas? C'est un... Ça y est, tu trouves. Peter Sarsgaard. Voilà, qui vient d'avoir... Qui est immense et qui a eu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise, je crois. Ouais. Et c'est vraiment... Alors, c'est pas le meilleur dimanche que vous pouvez passer, parce que c'est vrai que c'est pas... C'est ouais. pas peps en termes de voilà, ouais. mais c'est tellement bien joué que moi j'aime toujours ce truc-là de... Il y a beaucoup de poésie dans ce qui est pas dit, on peut être très réceptif ou pas, mais voilà, c'est l'histoire d'une femme qui a été traumatisée, qui a eu ses propres histoires avec les hommes, qui est un peu traumatisée, qui vraiment se bat dans la vie pour élever sa fille et pas lui faire peser tout sur les épaules, et elle rencontre cet homme qui en fait lui est pour le coup atteint de démence, okay. et qui se rappelle de certaines choses ou pas, et naît une relation assez poétique entre eux, puisqu'elle en fait elle n'accepte, moi c'est comme ça que j'interprète, que de se faire toucher par... Bah, quelqu'un qui pourrait jamais lui faire du mal volontairement, en fait, tu vois. Donc il okay. y a un truc assez beau dans cette rencontre là de lui aussi, c'est tout ce que ça veut dire, de tous les accompagnants. Moi je connais pas mal de gens qui sont dans cette situation d'être des accompagnants de gens, on sait plus où se situe leur leur bon sens ou pas, et comment tu leur retires leur humanité ou pas à des endroits, leur responsabilité, tout ça. Donc c'est assez intéressant et c'est très joli. Ouais. C'est quand même bien lourd, quoi. Ouais, ouais, donc bah voilà. C'est un mec, le réalisateur c'est Michel Franco. C'est très beau. Et il a fait des films durs. Enfin, moi, ouais, il a fait des films durs. Sundown, qui avait fait avec Tim Ross et Charlotte Gainsbourg. Ouais. Et c'était pareil, c'était. C'est dur, après, c'est tellement bien joué que franchement, t'oublies Jessica Chastain. Et du coup, c'est... Moi, je viens de voir une série aussi avec elle qui est donc adaptée de scène conjugale. Scène oui, de oui, bien conjugale. Sûr. Ouais. Ça, c'est extraordinaire aussi. Avec Oscar Isaac. Ouais, avec Oscar Isaac. C'est vachement bien, ça. C'est vraiment extraordinaire. Et un livre que je lis souvent. Et qui est mon livre favori du monde, c'est un livre qui s'appelle Une petite robe de fête de Christian Bobin, et ça je trouve ça magnifique. Donc des fois, okay. c'est très poétique, c'est pas une écriture c'est pas un roman, quoi, c'est vraiment un peu des petites nouvelles, des petits extraits, des petits moments de poésie très forts, et franchement ça c'est trop beau. J'ai découvert très tard. Tu peux dire ce que ça raconte en deux mots? Ça raconte rien du tout, ça raconte ça va parler parfois de certains instants, tu vois, il va raconter un jour qu'il a vu un merle par exemple s'asseoir se poser devant lui à la fenêtre, et il part sur tout un truc de en fait, je te reverrai jamais, et qu'est-ce que c'est que quand on revoit jamais quelqu'un de sa vie, parce qu'en fait on passe sa vie à croiser des gens qu'on reverra jamais. Et c'est ça touche un endroit de poésie qui on peut être réceptif ou pas, encore une fois, mais franchement il y a peu d'auteurs qui savait écrire aussi bien, paix à son âme, il est mort maintenant, mais qui était contemporain là. J'ai découvert et je suis folle de Christian Bobin. En plus, c'est des tout petits livres, donc franchement, si vous accrochez pas, des petits livres que vous trouvez en poche à 10 euros et qui sont donc une petite robe de fête là. Bah, tu me l'as vendu. Ce que j'ai eu, c'est ouf. Ouais, tu me l'as vendu, tout simplement. Et bah écoutez, très bien, et c'est la fin de cet épisode, tout simplement. Ouais, donc je le rappelle quand même rapidement. Je le rappelle, ça passe sur la plateforme Canal+. Ouais. Donc voilà, ça passe où il y a Laura Felpin et Cédric Salin coécrits ensemble. Et Nikos, voilà, aussi. Et Nikos qui vient faire un guest à la fin. Bon, merci tout le monde en tout cas. Merci à vous. Merci. Ciao, bye. Allez, bonne journée. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.